Le son Dance Floor. Vous écoutez Fun Radio, 5h59, on est limite en avance. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? On arrive en direct ici à Ibiza dans moins de 2 minutes après les toutes premières infos de ce vendredi 24 juin. Je vais découvrir en même temps que vous la voix de Justine Salmon qui a dû se coucher il y a 1h15. Oh, bonjour, et n'exagère pas, n'exagère pas. 5 minutes de plus. Voilà. Allez les infos, bonjour Juju. Allez, on y va pour la météo. C'est assez partagé aujourd'hui. Le soleil, c'est pour le sud-est. On aura des averses orageuses de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Et ailleurs, ce sera des éclaircies. À noter, 4 départements sont en vigilance orange aux orages. La Gironde, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente. Les températures, ça va de 14 à 20 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 24 à Limoges, 26 à Reims, 28 degrés à Nice et 30 degrés à Perpignan. Et un petit coup d'œil sur notre week-end. Même temps pour demain, on nous annonce du mieux pour dimanche. Rester ou partir? Après des mois de campagne, le Royaume-Uni doit choisir s'il quitte ou pas l'Union européenne. Et selon les prévisions de la BBC ce matin, les Britanniques ont voté la sortie de l'Union européenne. Le siège de la CFDT a été attaqué hier soir. Les vitres de la façade ont été brisées. Les casseurs ont inscrit en lettres rouges sur la façade « C'est fini de trahir ». La police est intervenue pour disperser cette manifestation sauvage non autorisée. Et parallèlement, la manif contre la loi travail s'est déroulée sans débordement. Il y avait entre 20 000 et 60 000 personnes à Paris. Un défilé dans une ambiance bon enfant. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 28 juin, jour du vote du texte au Sénat. Laurent Blanc et le PSG, ça y est, c'est terminé. Selon le site de l'équipe, son contrat a été résilié. L'ancien coach parisien va partir avec un chèque de 22 millions d'euros correspondant à ses deux dernières années de contrat. Et on parle depuis plusieurs semaines maintenant de l'Espagnol Unai Emery pour le remplacer. Bon réveil à tous, on est encore en direct d'Ibiza. Bienvenue. Bruno on Fun Radio. 6h02, vous écoutez Fun Radio. Bonjour. Bonjour. En direct de l'Ibiza et en public. Bon, et je suis en train de regarder les têtes des gens qui m'entourent. Je peux vous dire que on sent ceux qui n'ont pas dormi beaucoup. Ouais, ouais, on les sent. Ah bah ça va se voir. Hein. Ouais, souvent les mêmes hein, d'ailleurs. Ça ouais, risque, et vous savez quoi, ça risque de s'entendre aussi. J'espère que ça va bien la famille. On lance tout de suite le hashtag Bruno à Ibiza. C'est la dernière de la saison. Dernière de la saison. Mais même à Ibiza, j'ai envie de vous dire... Oh putain, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi, les amis. Et vendredi à Ibiza, je peux vous dire qu'on va vous le faire passer dans toute la France. Où que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, Ibiza arrive chez vous avec dans moins de 5 minutes. Et on exclut le mash-up. I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones. It was a crash. Tous les tubes de l'année remixés par Adrien, Thomas et Mikosé, les deux DJ résidents Fun Radio, ça arrive. Il commence comme ça après. Je vous mets un petit peu d'après ou pas? Ah bah oui, j'ai hâte de vous le passer en fait. Hop, ça suffit. Je vous mets pas tout maintenant. Oh. C'est... Ah ben non, mais c'est pour vous donner envie et puis c'est tout. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Et en pleine forme, Christina. Je l'ai laissé à minuit hier au Burger King. Regardez, je la récupère comme une fleur. C'était, ben voilà. C'était au KFC. Pas de fast food. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Non, excuse-moi. Autant les conflits internationaux, le racisme, tout ça, les maladies, t'en as rien à foutre. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Mais je sais que t'es assez touchy sur tout ce qui est fast food. Excuse-moi, voilà. Vraiment, excuse-moi. Je ne le referai plus. Vraiment. Merci, Bruno. Va chier là ce matin. Et bonjour. Oh là là, je suis content, je résiste bien pour l'instant. Il y a Jean-Eude qui en fait des siennes. Jean-Eude, c'est le nom que j'ai donné à mon pédi. Voilà. Alors lui, j'ai beau lui dire, attends, on est à Ibiza, on est là pour travailler. Mais lui, je vous jure, des fois, le soir, Jean-Eude, il en fait qu'à sa tête. Hein. Il dit, mais t'as vu ce qu'il y a à gauche, t'as vu ce qu'il y a à droite. Hey, Jean-Eude, enfin, tiens-toi bien. Et pour l'instant, il se tient bien, mais c'est difficile. Hein. C'est marrant de donner Jean-Eude comme prénom à son zizi. Mais je trouve que ça fait plus classe, ça fait éduqué, tu vois. C'est vrai. Il est propre. Comment ça va, Elliot? Ah, ça va, quel kiff, la vue, le soleil, tout est au top. Et moi, j'essaie de faire attention avec celui que tout le monde connaît, qui s'appelle Modération, hein, qui est derrière moi en permanence. Ah, le fameux à consommer avec modération. Voilà. Il essaye de venir me voir, de me dire, Eliott, faut consommer avec modération, et je n'y arrive pas. Alors moi, je l'ai vu, le Modération en question, à la fin du déjeuner hier avec les auditeurs de Fun Radio, il est parti en gueulant en disant, tu sais quoi, je te laisse, j'en ai plus rien à foutre. Il s'est foutu en l'air. Il s'est barré, alors, le gars. Le problème, c'est qu'à Ibiza, on boit le vin blanc et le rosé comme de l'eau. Et donc voilà, c'est ça. C'est le problème. Rapport à la chaleur. Exactement. Bon, les amis, ce matin, on a tout plein de surprises. Vraiment. Il y aura des moments. Il y a des moments émouvants ce matin. Bah, un petit peu quand même, c'est la dernière. Parce qu'il y a des rétrospectives un petit peu de l'année. Bah oui, parce qu'on s'est rendu compte que mine de rien, on en avait fait des choses. Entre la crémaillère chez Eliott, avec une soirée mousse et un lama. on a fait un peu tout et n'importe quoi. Mes voisins s'en souviennent encore, hein, je peux te dire. Je te confirme. On est allé se balader en France aussi. On est allé dans plusieurs villes. On va pouvoir réécouter tout ça, mais pour l'instant, c'est un petit peu le test de la matinée, puisque hier, à ces temps-là, quand j'ai dit on applaudit l'auditeur du jour, eh bien, il n'y avait pas de standard. Donc, c'est une façon pour nous de tester en direct, voir si tout va bien. L'auditrice du jour, c'est son émission. Et aujourd'hui, jusqu'à 9h15, la dernière de la saison, ce sera l'émission de Nadège. Applaudissements pour Nadège. Et ça marche. C'est incroyable. Et ça fonctionne. Nadège, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Ah, voilà. Bah, on a déjà eu le bonjour. Vous savez quoi? Et petit à petit, moi je dis qu'il ne faut pas être trop gourmand. À un moment, tu vois, ne faisons pas les enfants gâtés. Nadège? Oui? Oui, je disais, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 24 ans et je suis chauffeur-livreur. D'accord, chauffeur-livreur. Tu livres quoi? Des colis aux particuliers, aux entreprises. D'accord, madame Neige, tu nous écoutes tous les matins? Tous les matins depuis 6 ans. Ah, depuis 6 ans? Waouh! Mais c'est pas possible, ça fait 5 ans qu'on est là? Non, depuis le début. Ah, très bien. Dans 2 mois, ça fera 6 dans 2 mois. Nadège, ma chérie, tiens, et si je devais te demander le fait marquant de cette année en écoutant Fun Radio le matin, tu me dirais quoi? Le fait marquant de cette année, je dirais quand même la crémaillère chez Eliott. C'est vrai qu'on a attaqué fort. moi, je garderai en tête la tête d'Eliott quand ça a sonné à la porte et qu'il s'est retrouvé nez à nez avec un lama. C'était extraordinaire. Et surtout, nous, on était genre installés sur son canapé et genre on avait un plaid et tout sur les pieds comme des vieux. Ouais. Mais on était hyper bien installés, quoi. Ah, c'était super. On était comme à la maison, il nous a fait une soupe et tout. Mais il y avait cette tête-là et puis il y avait la deuxième tête quand on lui a dit va voir ta chambre. Ouais. Il a ouvert la porte et que sa chambre n'était plus une chambre mais une gigantesque soirée mousse. Et il y a eu la troisième tête quand on a couché avec sa meuf. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, on l'a baptisé, c'est comme ça. Nadège, ma chérie, jusqu'à 9h15, cette émission est la tienne. Tu as la ligne directe du studio. Tu peux réintervenir quand tu veux dans l'émission, d'accord, ma belle? C'est génial. Je peux te passer un petit message? Mais vas-y. Je voudrais vous dire à toi et à toute l'équipe que cette année vous avez tout déchiré et que je suis vraiment très contente que vous reveniez l'année prochaine. Vous êtes exceptionnel. Merci, ma bichette. Mais vous savez quoi? Après, moi je vais pleurer quand vous commencez à parler comme ça parce que mine de rien, mine de rien. Oui, mine de rien, aujourd'hui à 9h15, on va vous laisser pendant 2 mois. Arrête, parce que tu sais que moi en plus je pleure à chaque dernière émission et en plus j'ai oublié mon waterproof. Moi ce que j'aimerais c'est que tu chiales au début pour Non. Moi j'aime voir que Bruno t'es pas un homme au cœur de pierre, tu vois ce que je veux dire? Derrière cette carcasse de muscles, il y a une petite princesse. Exactement. Une danseuse étoile. Moi qu'est-ce que je leur fais aux danseuses étoiles? Quand le juge est pas là, qu'est-ce que je leur fais? Nadège, on te fait des bisous, ma chérie. Merci, gros bisous la famille, à bientôt. Bisous. Bon, je tiens à dire que toute l'équipe de Fun Radio a débarqué à Ibiza hier après-midi. Alors sur toute l'équipe de Fun Radio qui a débarqué à Ibiza, il y en a même pas. Ouais, on est sur un gros pourcentage de pertes. Il y a Anso quand même du Night Show qui est là, il faut le dire. Elle a pas dormi mais elle est là. Ah oui, c'est ça. Les DJ Fun Radio vous ont préparé le mashup de l'année. Je voulais qu'on attaque l'émission avec ça. D'accord, le temps de vous dire que vous pouvez appeler le 3228. Il y a un toutou gagné, toutou perdu qui arrive ce matin. Côté cadeau, on vous offrira 5000 euros. Waouh! Ce matin. Oh, tu rigoles pas, toi. On aura un chèque de 5000 euros à vous filer via les SMS. Mais je veux qu'on attaque avec le mashup de l'année. L'été. Le nec plus ultra de la crème de l'élite de ce qui vous a fait danser sur Fun Radio toute l'année. C'est ça. Baby, I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones. It was a crash. Bang my head against the wall. Up in my city. And everybody's watching her. But she's looking at you. Ooh, ooh, ooh. Avicii, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. Mashup de l'été, tous les tubes de cet été avec le petit bruit des vagues derrière, c'est classe hein. Wow. Il fait plaisir. Bravo. Alors d'ailleurs je tiens à vous dire que les DJ Fun Radio Mikosé, Adrien Thomas et Maëva Carter vont finir l'émission, c'est-à-dire qu'à 9h15 à la fin de l'émission, ils vont venir ici, ils vont mixer en live jusqu'à 10h du matin. Oh, c'est la classe. C'est-à-dire qu'on va vous faire un before mais de 10h du matin, qu'est-ce qu'on en a à foutre hein. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était à la Fun Radio Ibiza Experience devant 20 000 personnes à Barcy, à Bercy. Ouais, à Barcy, c'était bien. Si vous avez pas vu ça, franchement, restez là à 9h15 parce qu'ils déchirent quand ils sont tous les trois ensemble. Et Bruno, Maëva Carter, elle est arrivée hier. Je l'ai vue en maillot de bain. Oh, elle est relou. Hein. Non mais j'ai jamais vu Elliot comme ça quoi. Même hier, on était dans une soirée où elle était là, il a pas arrêté de la coller. Il lui dit j'aime bien ce que tu fais. Ah bah ça c'est le Elliot qui a un peu bu, hein, on le connaît tous. Dans quelques secondes sur Fun Radio Hardwell. Avec Mad World, et juste avant de jouer au toutou gagné, toutou perdu, je veux que pour la première fois de la matinée, on fasse tourner la roue du défi. Ah. Hier dans la roue des défis, on a enterré notre producteur dans le sable pendant une heure et demie. On a fait un concours de lancer sur une bâche mouillée, un gros succès. On a fait concours. Aussi un championnat du monde de lancer de tongs. Le lancer de tongs, c'est impressionnant aussi avec Anthony Vosovic qui l'a lancé sur place. En fait. Ouais, elle a décollé en l'air, elle est retombée à ses pieds. Un exercice pas facile. Je vais faire tourner la roue des défis, je vous dis sur qui ça tombe et après je vous dis le défi, le premier défi qu'il va falloir faire avant 6h30. D'accord. Allez. Hashtag Bruno Ibiza, bien entendu. Pour commenter tout ça, je lance cette roue électronique. Elle est sur mon iPad. Je lance. Il y a les noms de tout le monde sur l'équipe. Alors, et en plus, il est gentil celui-ci. Il est gentil. Ouais, il est vraiment gentil. Ah, c'est cool. Roue du défi et bah, décidément, c'est Anthony du JPD. Ah. C'est-à-dire que le mec n'a pas fait de défi pendant 2 ans et là, ça va tomber. C'est Anthony du JPD qui vient de se retourner, les gars. Oh non les gars, vous faites chier. Je suis en train de travailler là. Je suis en train de bosser parce que il y a un truc qu'on vous dit pas, c'est qu'en général quand on fait l'émission tous les jours entre 6h et 9h, toute l'équipe est là dans le studio. Vous regardez la photo du jour, il y a tout le monde sauf Anthony. Et pourquoi Anthony? Parce qu'il fait la gueule. Il n'est pas dans le studio avec nous parce qu'Anthony n'est pas du matin. C'est ça. Et puis alors ce matin, il y a encore moins de ce matin parce qu'on ne l'a pas attendu. Il y a des gens qui n'ont pas rempli une voiture et il s'est retrouvé tout seul à l'hôtel. Alors je peux vous dire qu'il est bien chonchon. Il arrive. Arrêtez de parler de lui. Ouais. Ça va, Anto? Salut. Oui, bonjour à tous. Anthony, pour vous dire, c'est un peu Robin. Il a pris un coup de soleil hier avec ses lunettes de soleil. T'as la marque d'un bandeau. T'as l'impression que c'est Robin qui serait parti avec Batman en vacances. J'ai mal d'ailleurs. C'est ça. Bon, alors, le défi à faire dans une dizaine de minutes, Anthony, on va te mettre des gants de boxe. D'accord. Gants de boxe, et il y a un bar juste à côté de nous. Il y a tous les ingrédients pour pouvoir faire un mojito. Le but, ça va être de faire des mojitos avec des gants de boxe. Il y aura beaucoup d'alcool et très peu de menthe. Et, écoute, on va voir ça tout à l'heure. Et alors, attention, parce qu'on a un spécialiste qui va être là pour nous donner la recette du mojito. C'est Romain du bar On the Rocks. Oh, ok. L'alcool est bien entendu dangereux pour la santé. Si vous ne croyez pas que je vous vois venir avec vos défis à la con juste pour essayer d'amener de l'alcool dans le studio, c'est que vous me prenez vraiment pour le dernier des cons. Ce sera dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, mais pour l'instant, on joue. Fun Radio. Tout perdu. Les amis, faites pas les malins, les auditeurs de Fun Radio qui sont en train genre d'applaudir sur les jingles. On sait comment ça se passe. Hier, on a commencé à vous perdre un à un à partir de 8h. Les personnes qui sont en face de moi sont rentrées de soirée il y a 25 minutes, le temps de prendre une douche pour dire on va être là frais à 6h du matin. Oh, il n'y a pas de la douche partout. Mais bah ça ouais, se voit. On va pas se mentir. Toutou gagné, toutou perdu pour jouer avec nous. Il a 25 ans, il habite à Corbeil-Essonne, il est peintre en bâtiment, il s'appelle David. Applaudissements pour David. Salut David. Ouais, salut bon. David. Ouais. Comment Salut. Ça va, mon David? Bien, et vous? Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, ça va pas mal. Et on se demande bien pourquoi, parce qu'on est juste sur une terrasse en plein cœur d'Ibiza, avec le soleil qui est en train de se lever sur la mer Méditerranée. Ouais, on se demande pourquoi on est bien, vraiment. J'ai adoré le regarder Eliott quand t'as dit mer Méditerranée, qu'il disait, oh merde, je croyais que c'était de l'Atlantique. Moi, j'ai arrêté avec les mers depuis bien longtemps. De l'eau, c'est de l'eau. C'est, voilà, c'est tout. Bon! David, en arrivant ce matin en direct sur Fun Radio, tu viens automatiquement de gagner une télé Samsung, un PC portable ouais. Asus. Parce que à Ibiza, Asus. Pas que des glaçons. Asus facilement. Une enceinte JBL Pulse 2, qui est canon puisqu'elle est waterproof. Ouais. Tu peux écouter du bon son sur le bord de la mer, d'accord. Si elle va dans l'eau, c'est pas grave. Et la compile le son Dance Floor Summer 2016. Ok, mon pote. C'est cool. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi, mais pour les garder, il va falloir répondre correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Est-ce que tu es prêt? Allez, on est prêt. Première question, c'est parti. L'île d'Ibiza a été baptisée ainsi, car c'est ici qu'a été ouvert le tout premier hôtel Ibis. Ça y est, les auteurs craquent. Ça y est, c'est le dernier. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, c'est faux. Bah oui, quand même. Le pire, c'est qu'il a hésité. Quoi. C'est faux, je pense. Ça vient de l'époque gréco-romaine, quand l'île s'appelait Ebusa. Et beau ça. Et il n'y a pas l'île formulenta. Tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. Une loi dans l'état américain de l'Illinois stipule qu'il est interdit de manger dans une forêt en feu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu vois, il y a le feu dans une forêt, t'es avec ton casse-dalle et ton Perrier, tu te dis, bah, je vais me faire un pique-nique, et bah, tu peux avoir une amende. Bah, surtout, tu peux te faire un petit barbecue, tu vois, dans l'absolu. Et bah, tu n'as pas le droit. Tu peux avoir une amende. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, d'après toi, David? Ah, ça m'a l'air tordu, donc je dirais que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Ça fait partie des lois américaines à la con. On en a souvent parlé. Moi, ces lois américaines, ils me font plaisir. Je voudrais vraiment voir le shérif qui va verbaliser le gars qui est en train de se bouffer un casse-dalle pendant la forêt est en flamme et le gars lui met une amende. Ça me ferait vraiment rire. Tu gardes tous tes cadeaux. Voici la troisième question. Une période de 5 ans, c'est un quinquennat. Une période de 7 ans, c'est un septennat. Une période de 9 ans, ça s'appelle un novena. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un quoi? Un novena. Novena. Un novena. Ouais. Ouais, je dirais vrai. Et c'est encore une bonne réponse. Oh, ouais. Vous allez voir qu'on va finir avec un toutou gagné. Je le sens comme ça. Ouais. Ça va se jouer sur la dernière question, la voici. L'hélurophobie, c'est la peur des ailes de poulet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je dirais que c'est faux. Oh là là, il est fort. Bravo. C'est la peur des chats. Ah, ah bon ouais. Ah. Quand t'as peur des chats, tu vois, c'est ça. C'est l'hélurophobie. D'accord. Et donc, du coup, tu fais minette. Tu balances le dos. David, j'ai l'impression que c'est Toto gagné. Ça déchire. Alors, tu vas recevoir chez toi TV Samsung, d'accord, PC portable Asus, enceinte JBL Pulse et la compile le son Dance Floor Summer 2016. D'accord, mon poteau? Ouais, merci Bruno, merci Ibiza. Ibiza n'a rien donné sur le coup, hein, vraiment. Là, ça vient que de la comptabilité de Fun Radio. On t'embrasse, mon pote. Bisous. Passe une belle journée, mon David. On est en direct d'Ibiza. Vos messages avec le hashtag Bruno à Ibiza. On lit tous vos messages et on en balance. Le défi du jour, c'est dans 3 minutes, juste derrière Hardwell. Sometimes it feels like my life's a battle and I think I'm losing my mind when all that surrounds me is made of shadows. that's made of paper, but your touch can color the white and bring back the beauty into my life. 'Cause it's a mad world, but it's crazy. Hashtag Bruno et Ibiza, en direct d'Ibiza là, jusqu'à 9h15 pour la dernière de la saison. Plein de messages qui arrivent avec le hashtag Bruno et Ibiza. Il y a Laure qui dit deux mois sans vous, vous allez manquer, mais vous allez nous manquer vous aussi. Amélie qui dit bon c'est la dernière, j'aime pas, bisous à la famille. Il y a Sébastien, hashtag Bruno et Ibiza, qui dit on entend mal Vacher quand il parle, mais ça n'a rien à voir avec les micros, hein. C'est que la personne a dormi 25 minutes. Bah non, attends, pourquoi on m'entend pas? C'est vous qui me censurez. je suis collé au micro. Parle en espagnol peut-être. Ah, peut-être que vous me comprenez mieux comme ça, parce que c'est le langage local. Alicia, hashtag Bruno et Ibiza, c'est déjà la dernière de la saison. Toujours un kiff de vous écouter, la famille. Bah, allez-y, balancez vos messages. On va les lire à l'antenne pour cette dernière hashtag Bruno et Ibiza. C'est vrai qu'elle a passé à une vitesse. Un truc. Cette de saison, ouf. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on a commencé la semaine dernière. Chiffre du jour, ça va arriver tout à l'heure, 6h30. Et vous allez devoir compléter une phrase. Phrase que je vous donne maintenant. Cet été. 61% d'entre nous vont. Et d'après tout, c'est tout, d'après vous, ils vont quoi ? Vont avoir le maillot de bain qui rentre dans leurs fesses. Ah. Mais non, mais c'est vrai, ça c'est pénible. Mais qu'est-ce qui est pénible ? Un maillot de bain qui rentre dans les fesses. Ah ouais ? Bah non, c'est pas pénible. Un peu comme Aurélien, Loozman, du Standard. D'ailleurs, Loozman. Monsieur Loozman, vous le savez, avait un défi depuis l'arrivée à Ibiza. Dès qu'il y a une vidéo sur toi, normalement tu devrais danser. Tu as un peu raté ce défi. Hier, il y a eu beaucoup de Facebook Live et les gens disaient ils dansent pas. Mec, tu m'angoisses avec. Tu sais que hier quand même, Loozman, on lui dit. Il y a mon doigt qui est rentré dans ton. Tu sais qu'on on lui disait hier que genre ça dépassait un peu sur son string, etc. C'est normal, il l'avait mis à l'envers. Ouais. Si vous savez, c'est le seul gars qui met un string à l'envers quand même. Loozman, au-delà de danser, est obligé de garder le slip de Borat. Donc ça veut dire que c'est le même qu'hier. Il y a de la bouliche sur le côté là, quand même. Excuse-moi de te le dire, mais c'est très gênant pour tout le monde. Bon, on a fait tourner la roue du défi. Roue du défi avec Anthony. Are you ready? Ibiza. La roue du défi. La rueda del T'as quoi, j'adore cette émission Ibiza. Au-delà du cadre qui est juste magnifique, vous pouvez le voir sur funradio.fr. Il y a le streaming vidéo. On a l'impression de faire une vraie émission de télé maintenant. Je me souviens, il y a 4 ans, quand on est arrivé sur Fun Radio, on avait une malheureuse GoPro. Maintenant, on a des caméramans. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, il va falloir qu'on transmette cette émission en direct à la télévision. Vous la voyez sur funradio.fr. J'adore le délire au-delà au-delà de la vue, le truc qui est complètement ouf, c'est que il y a un bar qui est à 5 mètres du studio. Et derrière ce bar, il y a Romain. Ça va, Romain ? Très bien, et toi ? Ça va super bien. Alors, Romain, t'es barman professionnel à Ibiza. Exact. Et Romain, tu vas nous expliquer rapidement comment on fait un bon mojito. Bah, facile. Alors, on commence avec de la menthe. Ouais. Après, citron vert. Ouais. Après, on met 2 cuillères à soupe de sucre. Ouais. Et on continue avec la glace pilée. Ouais. Après, on pile. D'accord. Et on envoie. Bon. Anto, ça va bien, mon Anto ? Ouais, je suis chaud, là. Anto a 2 gants de boxe. C'est le premier défi du jour. Combien de temps pour faire un mojito avec des gants de boxe ? C'est parti, mon pote. On te regarde, vas-y. C'est parti. Ouais, ça va. Alors déjà, bon, on va prendre la menthe. Alors, la menthe pour mettre dans le verre. Funradio.fr, hein, vous suivez le streaming vidéo. Tu galères, j'ai l'impression que tu galères un peu, ça va ? Sur les citrons, c'est un peu chiant, mais... Ouais. Mais il est en train de presser le citron avec les gants de boxe. Calme-toi, tu te calmes. Ah, alors, prends la petite cuillère. La petite cuillère, voilà, pour mettre le sucre. Attends, je vais tenir le verre, tu vas en foutre partout. Il en fout partout. Mais... c'est... Ok, très bien. Donc toujours avec des gants de boxe, la glace pilée. Oh putain, attends, je m'en fous. On est à 25 secondes. 25 secondes avec allez, la glace pilée. Allez, oh là là. Allez. Moi, je le boirai pas, hein, celui-ci. Allez. Ensuite, le rhum. Allez, vas-y. Vas-y. Charge bien. Comme pour Elliot. Hein. Ah ouais, tu sers comme pour Elliot hier. Bah, rajoute-en un peu, mec, hein, du coup. Bien tassé, s'il te plaît, Anto. Ah merde, oui, non, attends, il était déjà en train de mettre l'eau gazeuse. Ouais, il a oublié de touiller. Attends, je tiens. C'est une boucherie. Ah non, le pilon dans le verre. J'en ai partout, putain. Il pile, mais il a cassé le verre tellement il pile. Voilà, il remet de la glace. Il y en a partout. Oh, c'est une boucherie, les amis. Eau gazeuse. Voilà. Très bien. Voilà. Stop. Okay. Stop chrono. On est à combien? On est à combien? Combien on a fait? On est à 1 minute 05. Alors, je voudrais qu'on prenne le spécialiste du mojito de cette équipe, Elliot. Ah, attends, j'arrive. C'est quand même le seul gars qui arrive à boire des coups à 9h. Je sais rien, mais. Moi, y a aucun souci. Tu m'as dit, c'est le spécialiste. Tu me dis, Elliot. Alors? Ah! Oh, il a tout recraché. C'est simple, il n'y a que de l'eau gazeuse et du rhum. C'est dégueulasse. N'inventez jamais ce cocktail, messieurs barman. Anto, tu sais quoi, te voir avec des gants de boxe, je trouve que c'est ta meilleure tenue, mec. C'est quoi, tu pourrais les garder toute la journée. Oui, mais c'est dangereux quand même. Ça va. Remboursé. Bon, les amis, on va revenir en direct sur Fun Radio. Vos messages, hashtag Bruno et Ibiza. Les auditeurs sont là et ce matin, ils sont en pleine forme. Ouais, vous cassez pas, on n'y croit pas. On revient en direct après les news, à tout de suite. Ibiza ! Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama. Et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au 3 juillet, ce sont les soldes d'été chez Castorama, avec jusqu'à 70% de réduction. Alors foncez ! Mais attention, premier arrivé, premier servi. Sur articles signalés en magasin et sur castorama.fr, date légale selon préfecture. Darren, c'est le maillot de la France que je vois sous ta veste, là ? Absolument, Alex. Pour ce 8e de finale, en direct sur Beansport, on sera tous derrière la France, même les Anglais. Tu as raison, après 2 victoires et 4 buts, on est sur la bonne voie. Mais attention, il va falloir confirmer sur le plan offensif. Et surtout, ne pas se laisser déborder par le stress. Et on doit tout donner dès la première minute. Dimanche, suivez France, République d'Irlande, en direct sur Beansport. Des 8e jusqu'à la finale, vivez tout le suspense de l'UEFA Euro 2016, en direct, seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Monsieur Lettonné flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide ? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment ? Allez sur ecoemballage.fr. C'est Fun Radio, bon réveil la famille, on va revenir en direct dans 2 minutes, il y a le chiffre du jour qui se prépare. On vous a fait une petite compile des meilleurs moments de l'année. Moi j'ai réécouté des trucs, mais j'ai l'impression qu'on a vécu 5 années en une seule. On écoutera ça là avant 7h du matin, on revient juste après les news. Fun Radio. Le son Dance. Fla. Fun. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 24 juin, c'est Alex de Saint-Aignan pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La perturbation continue de balayer la France aujourd'hui. Voilà, on le sait qu'il s'est couché très tard, Alex. Ouais, on aura deux, trois détails comme ça, il y a des tests à l'antenne, vous allez vous en rendre compte très vite. Alex de Saint-Aignan, on est sur moins d'une heure de sommeil, et ben ça s'entend. Il y a un rapport au client, on sait pourquoi on vient, quoi, tu vois. Et ben il va être dur ce flash. Alors tu nous parlais quoi, de la météo? De la météo. Tu dois faire le lancement ou t'es content de ce dérapage? Dès le départ. Très bien, très bien. Très bien. Vas-y, allez, continue. Des risques d'orage, dérapage contrôlé. Des risques d'orage sur une diagonale de l'Aquitaine à l'Alsace. Tu sais quoi, je vais faire comme le journal sur France 2 le matin à 10h30. Vas-y. Où il y a une nana qui traduit avec les signes pour les sourds et les malentendants. Et ben, je vais faire ça. Alors, par rapport à la radio, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais si vous avez le streaming live, peut-être que ça va vous aider. Allez, on recommence cette météo. La perturbation continue de balayer la France. Aujourd'hui, on aura des risques d'orage sur une diagonale de l'Aquitaine à l'Alsace. Quatre départements sont toujours en vigilance orange, dont le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Partout ailleurs, le temps est plus calme avec des éclaircies. Ça se rafraîchit dans l'ouest et ça reste encore bien chaud à l'est, entre 13 et 23 degrés ce matin, jusqu'à 23 degrés cet après-midi à Lille. Il fera 24 à Paris, à Rennes, à Limoges, 30 à Besançon, le maximum 37 degrés pour Nîmes. Pas mal. Si vous ouvrez les yeux ce matin, vous devez savoir que le Royaume-Uni quitte l'Europe, selon les prévision de plusieurs médias. Les Britanniques ont voté en majorité pour le Brexit, c'est-à-dire pour la sortie de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni était appelé à voter hier en référendum. Les résultats toujours provisoires, 52% des voix en faveur du Brexit. Les Britanniques sont donc les premiers à quitter l'Europe. Le cours de la livre sterling s'effondre à la bourse. En football, jackpot pour Laurent Blanc. L'entraîneur va quitter le Paris Saint-Germain. Il devrait toucher la coquette somme de 22 millions d'euros d'indemnité. Selon l'équipe.fr, Laurent Blanc pourrait être remplacé par Unai Emery, l'ancien entraîneur du FC Séville. Enfin, restez sur Fun Radio. Ce matin, on vous diffuse en exclusivité le tout nouveau titre de Kungs. Le clip est à découvrir d'ici une heure sur funradio.fr. Très bon réveil. Ibiza, la fête, la plage, la piscine, le soleil, les boîtes de nuit bondées, les jolies filles. Et Elliot en maillot de bain. Bruno dans la radio. En direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Oh yeah. 16h33, nous sommes en direct d'Ibiza, les amis, comme nous l'étions hier. Hashtag Bruno et Ibiza pour vos messages. Dans moins d'un quart d'heure, on aura quoi, Christina? On va papoter un petit peu avec nos auditeurs. Ça donne envie. T'arrives sur Fun Radio, il est 6h30, tu te dis tiens, je vais zapper sur les radios, qu'est-ce qu'il y a sur Fun? Bah restez sur Fun, on va papoter. Mais on fait pas une déloc à Grenoble, on a Ibiza. Non, on va papoter, mais même le mot papoter, ouais, regarde. Ouais, nul. Mais entre filles, on papote. Mais oui, on va papoter, bien sûr. Il y a une douane quand t'arrives à Ibiza, ces mots-là, tu les laisses. Papoter. Bon, c'est comme on va faire la Java, tu vois. Ça se dit pas ici. Non, ce qu'il faut préciser, c'est quand même, on a des auditeurs qui nous accompagnent durant tous ces jours. Et moi, j'aimerais qu'on les fasse parler pour qu'ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils ont vécu en 24 heures. Il s'est passé plein de trucs depuis qu'on vous a quitté hier à 9h. Ouais. Donc, on va parler avec eux pour qu'ils nous racontent leur journée, leur soirée. Et puis aussi, surtout, tu vas diffuser, je crois, les meilleurs moments de l'année. Ouais, on a un petit truc. Ouais, le premier truc, là, ce sera d'ici un quart d'heure. Genre, les auditeurs, est-ce que ça se peut que, genre, ils racontent des trucs qu'ils ont vus et qu'ils n'auraient pas dû voir et que. Ouais. Ah, bah ça, je sais pas. On va quand même parler avec eux avant. Il te reste 10 minutes pour leur donner un petit billet. Ouais, ou pour les assassiner. Calvin Harris, This Is What You Came For avec Rihanna, c'est ce qui arrive. Et 10 euros. Vous savez d'ailleurs, à ce propos, on a fait beaucoup de Facebook Live hier après-midi. C'est vrai. Voilà. Ouais. J'aurais vite fait. Il est où Nicolas? Nicolas, je voudrais que tu te rapproches ici, puisque hier par exemple, on était à l'Ushuaïa, d'accord, ouais. Grosse boîte d'Ibiza. Et j'ai fait un Facebook Live, j'étais sur la scène, d'accord, ouais. Et à un moment, moi j'ai dit je vais aller me coucher. J'ai été raisonnable hier soir, franchement, je suis parti me coucher vers 23h30. Ouais, nous aussi. Ouais. Oui, non, ça va, on a été tous raisonnables. Bon, on avait bu toute la journée, par contre. Voilà. et donc, j'ai laissé à Nicolas le téléphone, et moi j'étais en train de filmer la foule depuis la scène, d'accord, de l'Ushuaïa, parce que c'est impressionnant, t'as 10 000 personnes qui dansent, et en arrivant à ma chambre hier soir, j'ai dit je vais regarder la vidéo, ouais. D'accord, et donc j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, parce que il était en train de filmer, je me suis dit il va filmer les platines machin etc, les ouais. Amis, je vous jure, la dernière vidéo Facebook Live qu'on avait fait hier, donc filmée par Nicolas, donc tu me vois sur la scène de l'Ushuaïa Club, ouais. Ensuite tu vois que je leur fais un coucou, je me barre, et dans les 30 secondes qui suivaient, pendant 4 minutes, le gars n'a filmé que des culs. Oh non, non. Nicolas, que ça mec. Non, c'est juste, je regardais et je regardais pas ce que je filmais. Donc en fait, mon téléphone est descendu et il est resté en bas. Il a filmé. Alors bon, faut dire que derrière le DJ, il y avait que des mannequins qui étaient en train de danser. Et puis des culs, il y en a beaucoup à Ibiza, mais clairement. Le gars n'a fait que ça, mec. J'avais l'impression de voir une vidéo résumée d'un séminaire de proctologue. Non, mais surtout, Bruno, moi, qu'est-ce que je fais en rentrant? J'appelle ma meuf, elle me dit c'était bien la soirée à l'Ushuaïa. Je dis ça va, écoute, il y avait une petite ambiance, pas trop de meufs, on était qu'avec les gens de la radio, tu sais, Christina, c'est fait, je les connais, je les regarde pas souvent. Et là, sur la vidéo, quoi. Je veux dire qu'elle a gueulé. Hein. Bah, elle est sur le mur de la page facebook.com/brûlure dans la radio. Allez, c'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce 24 juin. Et je vous ai demandé de compléter une phrase. Cet été, 61% d'entre nous vont. Me bourrer la gueule. 3 petits points. Elliot, il faut que t'arrêtes ce délire sur l'alcool. Hein, ça, c'est vrai que là, ça fait 48 heures, mec. Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour dire Morito, vodka, bourrer la gueule. Que, tu sais, les radios sont contrôlées par un organisme qui s'appelle le CSA et qu'à un moment, tu vois, l'alcool, la drogue, tout ça, il faut pas en parler trop, tu vois. Promis, j'arrête, je parle de sexe. Même. Voilà. Bon, qui veut compléter cette phrase? 61% des Français vont. Mais ils vont faire des raquettes de plage. Je déteste ce truc. C'est tellement cool, débile. Moi j'adore. Surtout ceux qui maîtrisent. Ça fait tac, tac, tac, tac, tac, tac. Mais tu dis, mais mec, c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas de suspense. C'est que, on a eu ça hier, en revenant du studio pour aller à notre hôtel. On a 10 minutes. Alors la route est compliquée, on marche sur la plage. On a croisé deux gars en mais mode oui, beau gosse. C'est d'eux que je parle. Avec des abdos et tout, qui étaient en train de jouer au racket. Ça a duré une heure et demie. Et bah, où était le problème? C'était mais super beau à regarder. Les mecs la jouent en mode beau gosse. Vous avez vu, on s'est tapé dans une balle avec une raquette en bois. Quand tu sais jouer à la balle, tu t'appelles Nadal. Et tu gagnes Roland Garros. C'est ces petits cons là sur la plage avec leurs abdos qui servent à rien. Ça sert à quoi les abdos aujourd'hui? C'est tellement 1980. Je suis d'accord. C'est dépassé, c'est fini. Cet été, 61% d'entre nous vont. Florent est à Bordeaux. Bonjour Florent. Bruno à Ibiza. Allez Florent, je t'écoute. Complète cette phrase. Alors 61% des Français vont au moins manger une glace par jour. Ah, c'est vrai que c'est la bonne période pour les glaces. Je suis pas très glace, moi. Moi non plus, moi. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Ah, les Ben & Jerry's, c'est les meilleurs avec les morceaux de cookies dedans. Mais non, mais c'est parce que tu trouves sur les bords de la plage, c'est des cornets avec les boules, normalement, non? Ah non, non, parce qu'elles sont trop chères. Moi, je vais au Super U, je mets dans ma petite glacière, et après, sur la plage, je la mange quand je veux. Je vais pas prendre au gars qui vend, là, et qui les vend 3 ou 4 balles, la glace. Moi je peux pas parler de glace l'été. Pourquoi? Parce que ça me rappelle... Oh là là. Attends, c'est un truc qu'on connaît pas sur toi, petit. L'enfance triste de Bruno reprend, on y va. Bruno, ta mère voulait pas te les acheter, c'est ça? Non, justement, un jour, on était sur le port de La Rochelle, les amis. Ouais. Regardez bien parce que je peux pleurer en vous le disant. Oh là là. Bon, on va arrêter de rigoler là. Ma mère qui à chaque fois me disait non, il n'y a pas besoin de glace, t'en auras une à la maison. C'est toujours le truc. Là, elle se décide à m'offrir une glace italienne. C'est gentil. La glace italienne de parfum, vanille fraise. J'étais content avec ma glace sur le port de La Rochelle. C'est joli. En Et puis il faisait chaud. Oui. Et puis je tenais mon cornet, j'étais fier, je voyais les autres enfants qu'on n'avait pas. Et comme d'habitude, c'est eux qu'on avait et pas moi, je me la pétais. Et puis je me la pétais avec ma glace et à un moment, je me suis penché. Et vous savez, on l'a tous eu un jour dans sa vie. La glace est tombée, il m'a plus resté que le cornet. Et ta mère a pas voulu te la repayer du coup. Non, elle m'a dit, t'avais qu'à faire attention. C'est les phrases de parents. Les enfants se sont moqués autour. Bah, ils m'ont dit, ouais, bien fait pour toi. Et du coup, j'ai mangé mon cornet tout seul. Et puis, il faisait chaud. Alors, tu sais, manger un cornet tout sec, c'est pas génial. En plus, il y avait même pas de chocolat au bout, du coup. Non, bah non, parce que c'était une glace vanille fraise. Non, t'as qu'à écouter. Léa, je te fais des bisous, Florent. Léa est avec nous depuis Brest. Bonjour, Léa. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Allez, complète cette phrase. Cet été, 61% d'entre nous vont faire un bain de minuit tout nu. Ah bah de toute façon, un bain de minuit, c'est fini. Ah bah c'est la baise. Surtout Ibiza, j'ai envie de dire. La baise. C'est la quoi? La base. Ah la oui. Base. Ah, ok. Les amis, je crois que vous êtes vraiment trop touchy sur plusieurs sujets. L'alcool, le sexe, il faut qu'on en parle, vraiment. Non mais là, et c'est elle qui articule mal, elle attend le bâton. Non mais faut pas confondre, c'est la base et la baise, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'on a tous entendu. Bah non, mais enfin tu vois, tu travailles pas si t'es militaire sur une baise aérienne par exemple. Tu vois, dans Apollo le film, le mec il dit allô Houston, ici la baise, tu vois, c'est ridicule. OK, pardon. C'est pas le bain de minuit ma chérie. La bonne réponse, c'est 61% des Français vont attraper un coup de soleil cet été.

feu. Fun Radio. Your hands up. Radio. Le son Dance Floor. Bonjour la famille, bon réveil, vendredi c'est le 24 juin, vous êtes sur Fun Radio en direct d'Ibiza avec toute l'équipe de Bruno dans la radio et une partie de l'équipe de Fun Radio qui arrive au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y avait Anso du Night Show qui est arrivée ce matin. Elle a pas dormi Anso. Elle était là à 6h, elle a pas dormi, elle a une tête les amis. Bon. viens faire un petit coucou ma Anso, ma chérie. Attends. En super forme les gars. Ah, oui j'ai des cernes. Oui je n'ai pas dormi. Alors j'en ai à foutre. Oh, la laine. À la base les yeux ils étaient bleus pas rouges. Voilà. Comment vous dire, je viens de récupérer. Elle vient de parler dans mon micro. Oh, je le récupère. Ouais. J'ai l'impression d'avoir une voix de carré de boule. C'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Il y a Manuel également de l'équipe du soir qui est là. J'ai vu qu'il y avait Fred et Mika également qui sont arrivés, qui sont dans le fond, qui sont en train de prendre un café à la cool devant le lever le soleil. Ça va les copains? Ça va mon Mika? Mika, et c'est toi qui fais le 9h midi aujourd'hui ou pas? Ah mais le châtelain est de retour. Où sont les chevaux? J'ai pas vu les chevaux, c'est pas normal. Alors les chevaux et Ibiza, non, y a pas des masses. Et tu vas faire l'émission d'ici? Et on va faire l'émission d'ici évidemment. Fais attention, tu vas voir, c'est addictif. Hein. On a envie d'y revenir. Tout à l'heure, 7h10 en direct, je vais payer de la facture. Et puis, on va avoir du Vacher Time. Et vous savez quoi? Vacher Time, ce matin, moi, ce que je vous propose, c'est de le choisir vous. Ah ouais. Comme au restaurant. Ouais, comme au restaurant. Un menu. Ouais, j'ai envie qu'on écoute peut-être ce qui sera le meilleur Vacher Time de l'année. Ok. Et c'est vous qui allez décider. D'accord? J'ai 3 extraits. Ouais. Et vous choisirez, vous savez quoi? On va faire comme Nikos. Vous choisissez un. 2 ou 3. Et vous faites sur Twitter avec le hashtag Bruno Ibiza. Le premier, il datait du 11 janvier, c'était Marie. Ah, Marie, effectivement, c'est une nana que j'ai appelée au hasard, une petite mamie, et j'ai fait croire que j'étais une amie à elle. J'ai fait, tu me reconnais? Ouais. Et donc, elle m'a pris pour une copine à elle, et je lui ai raconté un peu ce que j'étais devenu. Et j'étais devenu quelqu'un d'un peu chelou. Extrait. Excuse-moi, je parlais avec Jackie et Michel. Jackie et Michel, Ils sont d'où ceux-là? C'est un petit couple d'amis hyper gentils. Ils voulaient savoir, est-ce qu'on peut venir faire une vidéo chez toi? Comme ça on fait des retrouvailles toutes les deux à Walpé. Non, non, c'est pas chez moi, non. Donc ça c'était le premier. Et elle est persuadée que c'est une amie d'enfance, donc qui est devenue actrice porno. Ouais. Donc ça c'est le premier, vous voulez l'écouter, hashtag Bruno Ebissa, vous mettez un. Le deuxième, moi c'est mon préféré, honnêtement. Moi c'est celui qui m'a fait le plus rire. Ah ouais. C'est celui avec Blaise Matuidi. Ah ouais. Bah effectivement, je demandais quel joueur de foot était vrai footballeur ou pas. Et ouais. Quand j'ai dit Matuidi à la nana, elle a pas compris. Elle a eu une réaction chelou. Petit extrait. Zidane. Bah oui, ça c'est un joueur de foot. Très bien. Matuidi. Bah, je vous l'ai dit, oui, que Zinedine Zidane était un footballeur. Non, Matuidi, c'est simple. De quoi? Attendez, là, je ne sais plus du tout ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, il était extraordinaire. Je comprends, que dalle, ça dure 1 minute 30. Vous voulez écouter celui-ci, hashtag Bruno à Ibiza et numéro 2. Et enfin, le 3, ça, il date du 18 septembre, début d'année. Ça, c'est mon préféré à moi, c'est quand j'appelle le 118-712 pour les faire chier. Ouais. En fait, là, je demandais le nom de quelqu'un, mais à chaque fois que je disais le nom, je chuchotais comme ça. Pour pas qu'elle comprenne. Et ça dure 1 minute 30, elle pète les plombs, c'est génial. Petit extrait. Je cherche le numéro d'un ami, si vous pouviez vous dépêcher. Eh bien, il faut me donner le nom, madame. Ah oui, c'est monsieur. Je n'ai pas entendu, madame. Pas vrai. Voilà. Il fonctionne sur 1 minute 30. Effectivement, sur 10 secondes, il ne fonctionne pas du tout. Hashtag Bruno à Ibiza, les amis, 1, 2 ou 3. Et ce sera tout à l'heure, 7h du matin. Bon, l'espace de quelques secondes, je voudrais qu'on donne le micro à des auditeurs qui nous ont accompagnés à Ibiza, qui sont avec nous depuis 24 heures. Qui a le micro? C'est Tiffaine. Ça va, Tiffaine? Bonjour. Bonjour. Tiffaine, elle nous accompagne. Elle a un délire, Tiffaine. Ouais. Depuis hier, il faut savoir qu'on est sous l'aéroport à Ibiza. Donc, de jour comme de nuit, dès qu'il y a un avion qui passe, elle crie avion. personne est déjà un peu perché. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ces 24 heures à Ibiza, ma belle? Alors, c'était tout simplement magique. On a des étoiles plein les yeux. Et vraiment, l'équipe Fun Radio, tout le monde, tout compris, c'est vraiment une équipe en or. Et on vous kiffe. La soirée hier soir à l'Ushuaïa, c'était tout simplement de la folie. C'était, on s'en souviendra toute notre vie. Et vraiment, encore merci. Et voilà, on prend notre pied. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Il y a Jessica qui est à côté de toi. Ça va, Jessica? Ouais, nickel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Jessica. Franchement, vous êtes une vraie famille. C'est vraiment de la bombe. J'ai trop kiffé. Et comme elle dit, on s'en souviendra toute notre vie. Bruno, merci de m'avoir fait découvrir la truffe. On a mangé ensemble. Ouais, la truffe, c'est le petit nom que je donne à mon zizi. Toi, c'est Jean-Eude. Moi, c'est la truffe. Ah, c'est bien ce qu'il semblait. Ouais, la truffe, on la connaît tous, la truffe. Hein. Si on veut être embauché ici, on n'a pas le choix. C'est énorme. Non, donc du coup, franchement, merci. C'était génial. Et changez rien. Vous êtes de la bombe. Et écoutez, Fun Radio, c'est la meilleure radio de France. Et voilà. C'est gentil. Oh, merci. Merci, ma belle. Et franchement, on a des super auditeurs qui nous ont accompagnés. Merci à vous. Fais gaffe, Bruno, t'as la truffe qui dépasse du panier. Une année de Bruno dans la radio. C'est notre quatrième saison ici à Fun Radio. Cinquième. On fait la sixième l'année prochaine. Mais oui, exactement. Bruno. Oui, alors il faut le dire, on va revenir l'année prochaine sur Fun Radio pour ceux qui ne le savent pas. Mais une année de Bruno dans la radio, ça peut donner quoi? Écoutez ça, les amis. Même moi, il y a des moments en les réécoutant, ça m'a mis la larme à l'œil. Les amis! Félicitations! Bravo, Vachou! C'est papa! Ça fait bizarre, quoi. Je vais avoir des responsabilités et tout. Ouais, j'ai fait l'échographie, un truc dedans et tout, avec des bras qui sautent dans le ventre. Voilà, c'est pour le mois d'octobre, normalement, et on sait pas si c'est un garçon, une fille ou un labrador. Scoop, depuis le temps, les profs de français ne savent toujours pas où est donc Ornicard. J'ai un message pour toi, Charlène, c'est une chanson. Ce matin, je dois te faire une déclaration, te dire à quel point t'es belle. Romain, mon pote. Ouais, on se voit dans pas longtemps pour qu'on en parle. Ok. C'est tout ce que j'attendais, Romain, en fait. Hashtag Crémaillère Elliot Fun Radio, c'est numéro 1 top tweet France depuis 5h30 ce matin. Moi, ce que je propose, c'est qu'Elliot aille découvrir tout de suite sa chambre. Allez. Ou pas. Ils ont fait une putain de soirée mousse. Non, mais les gars, vous avez rempli ma chambre de mousse. Adeline, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Oui, dans la radio. Quand t'es à 400 boules de découvert et que t'es étudiante, t'es dans la merde. Et encore, c'est pas fini. J'ai pas encore payé mon loyer. Hein, donc... T'as encore le loyer qui arrive? Ouais. Et combien ton loyer? 420 euros. Bon, Adeline, je te paye ton découvert, je te paye ton prochain loyer. Lundi, nous sommes le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la paix, les amis. Ce matin, Fun Radio paie son café aux animateurs des autres radios. Bruno Guillon est avec nous, bonjour. Oui. Bonjour Difool, bienvenue sur Skyrock. Salut. Le DJ qui va mixer ce soir à la Fun Radio Ibiza Experience, Martin Garry. I love you. Excuse-moi Martine, mais depuis tout à l'heure tu parles des pizzas, tu parles des restaurants, des soirées, mais tu parles jamais des meufs. What about the girls? No time. There are amazing girls in Ibiza. So if you want to see beautiful girls, go to Ibiza. C'est meilleur que les pizzas. It's better than pizza. Both. You can have girls with pizza. Qu'est-ce que ça a été kiffant. Ah ouais. Oh, c'était même énorme. Et réentendre le morceau avec Difool quand je me suis pointé dans les studios de Skyrock et tout, ils ont été adorables, c'était vraiment un kiff. Bon les amis, 6h56, c'est Fun Radio, c'est l'heure du JPI. Fun J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en images, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, calendrier, aujourd'hui, c'est le jour le plus long de l'année. Long comment ? Bah, long comme... Merci Mika, c'est bon. International, suite au vote, la Grande-Bretagne devrait sortir de l'Union Européenne. En effet, le Brexit l'emporterait. Mais s'ils ne sont plus dans l'Union Européenne, ils vont aller où ? Bah, dans les oreilles du prince Charles, sans doute. Nous sommes en direct d'Ibiza. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, mais au témoin d'un doute, 17 ans à Ibiza, c'est majeur ? Bah, non, Anthony, non, pas du tout. J'avais un doute aussi, figurez-vous. Je vous appelle une fois sorti de garde à vue. Ouais. Faites donc ça, oui. Dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les humoristes français et les religieux, découvrez Muriel Rabin. Voilà, c'est la fin du GPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Dans quelques secondes, les amis, il y a donc le Vacher Time, celui que vous estimez être le meilleur Vacher Time de l'année. Vous êtes nombreux à voter là sur le hashtag Bruno Fun Radio. Il y en a trois, on vous a dit. Oui. La vieille dame qui appelle une autre vieille dame en lui faisant croire qu'elle va faire un tournage de Jackie et Michel chez elle, d'accord. Où la nana veut pas du tout. Ça c'est le 1, ouais. Ouais. Le 2, donc vous mettez un si vous voulez écouter celui-ci. Le 2, c'est la nana qui comprend pas Mathudi, qui comprend qu'on lui dit Mathudi et elle dit mais non j'ai rien dit. Enfin qui dure 1000 ans mais qui est très drôle. Et pour l'instant c'est celui-ci qui arrive en tête. Et en 3, on a le 118-712 où Vacher appelle et demande le numéro de... Ouais, je suis team 3. Et la nana ne comprend pas parce qu'il chuchote. Lequel on réécoute ? Eh ben, on va le voir juste après les infos. On revient en direct sur Fun Radio et ce matin, on a un petit cadeau pour vous. Le Neck Plus Ultra de la crème de l'élite de ce qui va vous faire danser cet été. Remixé en 3 minutes. C'est le mashup Fun Radio de l'été que l'on doit au DJ Fun Radio. Vous allez l'avoir juste après les infos. A tout de suite. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein ? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45, 50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait ! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Pam palam, pam palam. Tu as vu? J'ai perdu 90 euros depuis le début de l'été. Pas mal! Moi j'en ai perdu 150. Faut dire que ça te va bien, mon petit four. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le four encastrable inox Sauterre SFP 1501X classe A est à 499 euros au lieu de 649, soit 150 euros d'économie. Profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles. Vous écoutez Fun Radio, bon réveil la famille, vendredi c'est le 24 juin, c'est la dernière de l'année, vos messages qui arrivent là ici avec le hashtag Bruno et Ibiza, funradio.fr, il y a le live vidéo pour vous amener un petit peu de soleil là où que vous soyez en France, il y a le magnifique lever de soleil que vous allez pouvoir voir ici à Ibiza et on va éclairer tout le monde en France si vous en avez pas, d'ailleurs on va savoir si vous en avez ou pas tout de suite, ce sont les infos là sur Fun. Fun Radio, le son, Dance Floor. Fun. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 24 juin, c'est Justine Salmon pour les news. Bonjour. Salut ma Juju. Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct d'Ibiza, bienvenue, on ça y va. Ça s'entend, on est sous l'aéroport, regardez. On laisse passer l'avion. Voilà. Salut tout le monde. Voilà. D'ailleurs, je vous dis quand même, quand je dis on est vraiment sous l'aéroport, l'aéroport doit être à peine à kilomètre, c'est-à-dire qu'on a l'impression une fois sur deux que l'avion nous fonce dessus. Quand même. Je suis pas un mec parano, mais je vous cache pas que ce matin, une à deux fois, il est quand même extrêmement bas cet avion. Allez, on commence avec la météo. Oui, c'est plutôt mitigé. On aura une perturbation de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Grand soleil sur le sud-est et ailleurs, ce sera des éclaircies. Quatre départements sont toujours en vigilance orange aux orages. La Gironde, de la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente. Les températures, c'est doux ce matin, de 14 à 20 degrés. Cet après-midi, on attend 24 à Bordeaux et 30 degrés à Belfort. Et puis un petit coup d'œil sur notre week-end. Même temps pour demain, on nous annonce du mieux pour dimanche. C'est l'info de la matinée. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Les médias anglais l'affirment ce matin, alors que plus des trois quarts des bulletins ont été dépouillés. On parle foot avec le départ de Laurent Blanc. Selon le site de l'équipe, son contrat a été résilié. L'ancien coach parisien va partir avec un gros chèque de 22 millions d'euros. Unai Emery devrait le remplacer. Et puis, pas de match de l'Euro encore aujourd'hui. Début des huitièmes de finale demain. Où partiront les Français en vacances cet été? Eh bien, selon le baromètre des entreprises du voyage, vous êtes 55% à partir prendre l'air là dans les deux prochains mois. Et la plupart plébiscitent leur pays, la France. Et pour ceux qui voyagent à l'étranger, l'Espagne est la destination favorite. Une pensée là à tous les élèves de 3e, 2e et dernier jour du brevet aujourd'hui. Et puis, surtout, ne ratez pas ce matin sur Fun le nouveau titre de Kungs. Vous aurez en exclu le clip vers 7h30 sur le site funradio.fr. Bon réveil. Minutes en direct d'Ibiza. Bonjour. Bonjour. La vraie vanne, c'est là quand tu dis oui, on est en direct et on est en public. Ouais. Voilà, ils sont tellement en souffrance, les auditeurs. Grave. Franchement, et est-ce que on vous voit avec le live vidéo? Levez la main, les auditeurs qui n'ont pas dormi de la nuit, qui ont fait une nuit blanche. Faites voir, ouais, il y en a deux, trois. Là-bas. Ouais, ouais. Allez, soyez honnête. Attention, et une heure de sommeil, ça compte pour une nuit blanche. Ah, ouais, d'accord. Bah, ça y est, lève tous la main. C'est-à-dire qu'il y en a qui lèvent la main 5 secondes après, parce que le temps qu'ils comprennent la question. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des ouf, parce que du coup, sur deux nuits, ça fait, ouais, une à deux heures de sommeil. Quoi. Ah, je te confirme, ils ont un petit déficit sur le sommeil. Autant nous, on a été plutôt raisonnables. Hier, on était quoi? On était en chambre à 11h45. Ouais, on est dû sur 6-7 heures en deux nuits, ça ouais, va. Non, c'est pas mal. Ouais, ça va bof quand même. Rapport à mon cœur qui bat plus, moi personnellement, je m'inquiète un petit peu. Bon. C'est-à-dire que bah, c'est bien qu'on soit à Ibiza que 12 jours sur une semaine, je fais un AVC, moi. Ah ouais, je vous dans quelques secondes sur Fun Radio, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura le mashup de l'été. Baby, I got this feeling. This is what you came for inside my bones. Tous les tubes de cet été remixés par les DJ Fun Radio qui seront d'ailleurs là tout à l'heure. On va finir l'émission, je peux vous dire, tout à l'heure à 9h15. Il y aura Maëva Carter, oui. Il y aura Adrien Thomas, il y aura Mikosé. Ils vont mixer à 6 mains comme ils l'avaient fait à la Fun Radio Ibiza Experience, d'accord. Et on s'est dit, quitte à faire un truc un peu spécial plutôt que de faire 10 minutes de mix, ils vont mixer de 9h15 à 10h en direct sur l'antenne de Fun Radio. Donc et on dans est toute là la jusqu'à France. 10h, les voilà. amis. Donc on va finir l'émission à 10h. Et on va se mettre en ambiance dance floor. Voilà, vous pourrez ambiancer votre bureau si vous le voulez. On reçoit beaucoup de messages avec le hashtag Bruno à Ibiza. C'est le hashtag à utiliser sur Twitter. On est en top tweet France hein, depuis 6h en fait. J'ai oublié de vous dire. Oui. Et je voulais en lire quelques-uns parce que vous êtes super touchants ce matin. Il y a Sonia qui dit je suis hyper émue d'entendre cette rétrospective. J'en ai des frissons. On a passé un petit best-of là tout à l'heure. Ouais. Il y a Nono qui dit ben voilà, merci, je pleure. Une année au top. Il y a Mylène qui dit dernier petit-déj en votre compagnie. Vous allez me manquer. Il y a Ashti François qui dit merci pour cette saison de ouf. Il y a Ma qui dit que la route va être longue les matins sans vous. Mais non, ça va passer vite. Il y a Mickaël qui dit merci pour cette belle saison. Enfin voilà, que des messages de ouf. Merci beaucoup, c'est hyper touchant. Surtout que les amis, à un moment où toutes les radios l'été vont vous passer de la musique, nous on aura un morning cet été tous les jours entre 6h et 9h. Ça va être le morning de l'été avec Jay. Et une petite nouvelle. Oui. Marie. Surprise, exactement. Ah ouais ouais, Marie. Ah, surprise alors. Un meuf qui dit que la surprise. Ouais. Avec une petite nouvelle. Marie. J'ai rien dit de plus. Une surprise. Bah, si tu veux, dis le cadeau d'anniversaire qu'on a prévu pour Bruno demain, peut-être. Ah bah non, c'est une vas-y. Surprise. Bah oui, bah, c'est pour ça. Ah oui, puis, j'avais pas. Oublié, c'est mon anniversaire demain. Ne bah, ouais, te casse pas, on n'a pas d'idée. Non, puis, j'ai oublié de le mettre, mais quand même. Oh putain, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi, les amis. En direct d'Ibiza tout à l'heure à 7h10, je vais payer de la facture. Et ce matin, j'ai un chèque à vous offrir. Et vu que c'est la dernière de la saison, je peux vous dire qu'on n'a pas rigolé. Il y a 5000 euros cash à vous filer ce matin. C'est énorme. Ça va se faire par SMS. Je vous expliquerai tout à l'heure à 5h30. Mais pour l'instant, à 7h30. Pour l'instant, va chez Time. Fun. Il faut savoir que le dalle. On n'arrête pas de le sortir. C'est le truc de pitbull normalement. Ouais. Et c'est devenu le gimmick de Christina depuis qu'on est arrivé à Ibiza, mais elle dit ça tout le temps. Mais on adore ce mot, il nous fait rire. Moi dalle, mais à toutes les sauces. Mais souvent il rigole dans les titres, dans les titres, quand il fait ça, il fait. C'est là qu'il est fort. Bon, alors Vacher Time, vous aviez trois choix à faire. Celui qui est arrivé numéro 1, c'est le Vacher Time sur Blaise Matuidi. Effectivement. Alors c'est un quiz sur le football en fait, où je demandais qui sont des vrais faux joueurs de foot. À la base, je voulais piéger la personne comme ça en donnant des noms de chanteurs, etc. Ouais. Et au final, il y a une espèce de quiproquo pour utiliser ce mot qu'utilise les gens. Quiproquo, je vois. Ça donne lieu du coup à ce moment mais lunaire. Le gars. Lol. On écoute. Allô. Oui, bonjour madame, monsieur Vacher, je travaille pour la Fédération Française de Football. Oui. Et en fait, je vais vous donner des noms de joueurs de foot. Certains sont vrais, certains sont faux. Il va falloir deviner lesquels sont de vrais joueurs. Bon, bah écoutez, allons-y. Alors, pour commencer, un très facile, très connu, Kin Vey. Kin Vey, oui, c'est un footballeur. C'est un footballeur, effectivement, qui joue en ce moment à Sochaux. D'accord. Allez, maintenant, on va les enchaîner un peu plus vite. Zidane. Bah oui, c'est un joueur de foot. Très bien. Matuidi. Bah, je vous l'ai dit, oui, que Zinedine Zidane était un footballeur. Non, Matuidi, c'est simple. De quoi ? Attendez, là, je ne sais plus du tout ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, Matuidi. Est-ce que je vous ai dit quoi ? Matuidi, allez, on continue, on y va, madame. Bah, oui, je vous l'ai dit. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce que je vous l'ai dit de quoi ? Non. Vous me dites, est-ce que j'ai dit quelque chose ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, voilà. Non. Est-ce que je vous l'ai dit ? Bah, oui, Zinedine Zidane, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, autrement, je ne comprends pas votre question. Mais parce que Matuidi, parce qu'en fait, c'est Blaise. Je sais pas ce que c'est que Blaise, mais enfin bon. Bon, on va essayer avec un autre exemple, comme ça vous allez comprendre. Je sais pas. Si je vous dis Benzema, est-ce que c'est un vrai joueur ? Oui. Voilà, et ben maintenant on continue. Matuidi. Ben vous allez recommencer ça ? Matuidi ! Est-ce que je vous ai dit quoi ? De quoi ? Eh merde ! Trop bon. J'ai adoré ce Vacher Time. Les amis, petit cadeau ce matin. Juillet, août, été 2016. Nous avons pris tous les tubes de cet été pour en faire un seul et unique. Les DJ de Fun Radio vous offrent à vous, auditeurs de Fun Radio, le mashup de l'été 2016. Baby, I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones. It was a crash. Bang my head against the wall. Up in my city. And everybody's watching her. But she's looking at you. I'm not afraid to Mashup de l'été 2016. Alors on m'a dit un truc du coup, mais c'est bien, on me l'a dit pendant, mais je vous le dis maintenant parce que quand on va le remettre tout à l'heure à 8h du matin, en simultané pendant la diffusion du mashup, il y a le clip vidéo qui a été diffusé sur funradio.fr pour ceux qui suivent l'émission en vidéo. Ah oui. Et donc à 8h du matin, vous pourrez, ouais, bah oui, bah s'il vous plaît. Je lui dis, mais plus ça va, plus on est en train de faire de la télévision. Oui, Elliot. Ah, il est énorme ce mashup. J'espère qu'à la maison, vous aviez mis les cassettes préenregistrées pour le. Les cassettes, donc. Ouais. Est-ce ça que. Alors, à la maison, si vous nous écoutiez en 1986. Et ben j'espère que vous avez mis des cassettes avant de mettre votre jean neige et partir en Renault Fuego à l'école, passer votre bac D. Voilà. Ça n'existe plus, donc. Non, ça n'existe plus. Non, la cassette, non, ça n'existe plus. Ah, bon. Elliot, comment tu m'expliques un jour, t'es le plus jeune de l'équipe, t'es le plus ringard. En tout cas, c'est celui qui a le plus d'arguments. C'est ça. Ouais. Et de répartie. Voilà, un sens de la répartie. Ouais. Je peux te dire que. T'as un truc à dire, à rajouter, Elliot, peut-être. Merci. <Ouais. rire> Merci. Et regardez ce qui va, ça va vous faire plaisir dans moins de 5 minutes. Ah ouais. C'est quoi? Je crois que c'est un de mes titres préférés de cette saison. Ah oui. Major Lazer. Plein de commentaires, hashtag Bruno et Ibiza, plein de gens qui nous disent, bah en fait merci, on est en France, on part bosser, mais grâce à vous, on a un peu le soleil d'Ibiza, on fait ça. C'est vrai qu'on a, on a le truc qui donne sur la plage. La plage qui est plutôt vide à cet heure-là, on va pas se mentir. Il y en a qui font du footing. Est-ce qu'on peut m'expliquer l'utilité mais de se lever à 6h du mat, courir sur une plage? À la plage, il y a toujours des gens qui font du footing. À la plage, il y a toujours des gens qui font du footing. Il y a des trucs, vrai. Bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À la plage, il y a toujours des gars qui sont en train de jouer avec la raquette en bois et la petite balle orange. Et là, j'en vois aussi, il y a toujours un petit couple d'amoureux, main dans la main, qui avance les pieds dans l'eau. Ouais. Et on dirait un film. Ouais. Il y a toujours aussi le couple qui s'éloigne un peu dans l'eau et qui commence à gigoter et qui croit que personne ne se rend compte de rien. Ouais. Grave. Prenez-nous pour des cons. Vraiment, personne ne nage comme ça. À la plage, il y a toujours le mec ou la nana qui court, tu sais, dans l'eau à toute vitesse et qui se casse la gueule au bout de 2 mètres et qui se ramasse comme une merde. Tellement. Alors, à la plage, il n'y a pas toujours, mais on l'a vu hier, donc je voulais quand même vous le faire partager. On a quand même vu. Ce hashtag. À la plage, il y a toujours, mais non, mais je vous l'ai vu hier, je voulais vous le faire partager. Je vais absolument vous raconter ça. C'est énorme. On a vu un mec véridique, hein. Avec cri. Un mec, donc il était en train de bronzer sur sa serviette, d'accord. Ouais, ouais. Mais il faisait un truc particulier. Je sais. Est-ce que c'est pas genre le bouchon? Il existe un bouchon qu'on se met entre les fesses pour pouvoir se faire bronzer entre les fesses. Non, pas du tout. Il mimait un câlin. Enfin, il faisait un câlin, mais à sa serviette, du coup. Il était seul. On va dire, Bruno, qu'il couchait avec le sable. Il était allongé sur le ventre. Non, je couchais pas avec le sable, j'avais fait un trou, pardon. ce gars que vous avez vu, non. Vous savez quoi? C'est chelou, non. Vous savez quoi? On peut lancer le sujet là-dessus. Tiens, ça, c'est un bon délire. 32-28, vous faites de la radio avec nous, vous commencez votre phrase par « à la plage, il y a toujours » et vous complétez, d'accord? Ok. Et vous pouvez le faire aussi avec le hashtag Bruno à Ibiza, « à la plage, il y a toujours ». À la plage, il y a toujours une saloperie de gamin qui, quand t'es bien allongé comme ça sur ta serviette, vient te foutre plein de sable en passant. Bien sûr. T'en peux plus. À la plage, il y a toujours un mec qui est persuadé qu'il est en train de bronzer alors qu'il brûle au 7e degré et il est au-delà de rouge. À la plage, il y a toujours ce teubé qui se secoue sa serviette alors qu'il y a plein de vent et tout le sable te vient dans la gueule et il se rend compte de rien, il continue à discuter avec sa mère. Je te jure, à ce moment, il fait chaud. Et les amis, je crois qu'on peut en parler pendant une heure. Hashtag Bruno à Ibiza, là, vous balancez vos trucs à la plage, il y a toujours. Pour l'instant, on paye de la facture. Money. Bruno, allô ? Paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. D'ailleurs, les factures, ça va continuer cet été. Ah. C'est bien pour ça. Voilà, il faut le dire, il faut le préciser. C'est bien pour ça qu'il faut continuer à les envoyer, soit par mail facture@funradio.fr ou bien par courrier funradio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part aujourd'hui dans le 14. 14, Calvados. Département du Calvados, exactement. Dès qu'il y a de l'alcool, comme d'hab, moi je connais le département. Ne te chauffe pas. On part chez Elodie, à Méricorbon. C'est dans le Calvados. Allô ? Elodie ? Oui. Bonjour Elodie. Bonjour Bruno. Eh ben voilà, c'est bon, elle a trouvé. Elle a trouvé. Yeah. Bravo. Bravo. Trop bien. Comment ça va, Maëlo ? Ben, ça va super, vous. Eh ben écoute, oh écoute, on a des conditions de travail pas faciles. Hein. Ouais. Il fait déjà quoi ? Il doit faire 25-26 degrés. Ouais. Là, il y a le soleil qui est en train de se lever. On est face à la mer. Moi qui suis un peu allergique à l'iode. Ça donne envie de faire grève. En plus, j'ai une peau de roue. Franchement, tu vois, ne remue pas le couteau dans la plaie, hein, s'il te plaît. Non, d'accord, j'arrête. Élodie, tu fais quoi dans la vie à Méricorbon ? Je suis secrétaire administrative. D'accord, et t'administres quoi ? Je travaille dans une université en fait. D'accord, très bien. Elodie, tu m'as envoyé une facture de 714 €. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est la location de notre mobilhome pour les vacances. Oh fort, tu pars en vacances où ? On part en vacances à côté de Mimizan. Ah, vers Biarritz. Ah, c'est joli là-bas. Biarritz, ouais, c'est ça, ouais, sur la côte, sur la côte atlantique. Le soleil. Eh ben, écoute, fais-toi kiffer, t'y vas quand ? Fin juillet. Parfait. Moi, tu sais quoi ? Alors, mobilhome, je l'ai fait plusieurs fois. Je trouve que c'est un délire de ouf, le mobilhome. Ah, c'est génial. Parce que t'as le kiff du camping, d'accord ? Ouais. Mais t'as pas la tannée de la toile de tente. Mais d'accord. Ouais. Mais c'est les faux campeurs qui font mais ça. Mais non, t'as une vraie salle de bain et tout. C'est plus juste. Non, t'as pas une vraie salle de bain. Ouais, t'as pas une vraie salle de bain. C'est les toilettes qui font douche en même temps. Tu peux pas faire les deux. Enfin, si, tu peux faire les deux en même temps, justement. C'est pratique. C'est trop étroit. La seule tannée, Elodie, du camping dans un mobilhome. C'est qu'on entend tout. Ouais, alors ça déjà. Et puis surtout, s'il n'y a pas la clim, en plein été, tu peux pas rentrer dedans. C'est vrai. En plein été, ça devient un micro-ondes, le dossier. Chérie, 714 euros, je te paye tes vacances. Merci, c'est trop bien, merci. On t'envoie le chèque vite. D'accord, ma belle ? Merci. Je te fais des bisous, ciao, ciao. Moi aussi, bisous. Vous restez sur Fun Radio dans quelques secondes. Oh, ça va faire plaisir. Vous savez quoi ? Et vraiment, allez vous connecter. Vous avez l'appli Bruno dans la radio, l'appli Fun Radio sur votre smartphone, sur votre tablette. Vous avez l'option pour le live vidéo. Vous cliquez le live vidéo et dans 5 minutes, on vous amène du soleil chez vous en France depuis Ibiza. On va faire un plan, vous savez quoi ? En même temps qu'on va écouter Major Lazer sur le soleil qui est en train de se lever ici sur la plage à Ibiza. C'est magnifique. Vendu. Ok, on fait ça ? Ah, grave. On revient en direct et puis on a lancé ce sujet. À la plage, il y a toujours. Vous complétez, vous nous appelez au 3228 ou alors le hashtag Bruno et Ibiza, on revient après ça. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Get your hands up. Dès que vous entendez Dimitri Vegas et Like Mike, mixé avec David Guetta, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez pour 3 jours de fête à Tomorrowland. Tomorrowland, how are you feeling today? La radio des DJ et des meilleurs festivals. This is Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Vous attendez quoi là ? La deuxième démarque ? Vous savez, les soldes Conforama, c'est jusqu'à moins 70% dès maintenant. Par exemple, le matelas Comfort Bedwin 140 cm est à 199,20 € au lieu de 489 €, soit une remise de moins 60%. Vous êtes toujours là ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur Conforama.fr. C'était le meilleur week-end de ma vie. On était parti faire du camping avec les enfants. On commence à monter la tente dans la chambre d'un super hôtel, une suite royale. Et là, les enfants, ils veulent aller au Poney Club. Arrivés là-bas, ils choisissent leur poney. Non, des chevaux sauvages. Enfin, non, des licornes, superbes. Des licornes, t'es sûr de toi ? Ah oui, ils s'envolent dans le ciel, ils traversent les nuages. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Avec Intercité, les billets sont à partir de 15 € toute l'année. Offre soumise à condition, plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Avec Pierre qui court de rayon en rayon, Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Carrefour Market fête ses clients. Ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Market fête ses clients avec des promos imbattables. Jusqu'à demain, la basse-côte 2 étoiles Origine France est à 6,70€ le kilo. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Vous allez marquer des points, Michel. Oh ben j'espère que je serai pas la seule à marquer. Hein. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, basse-côte 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Un jour, Bruno s'ennuyait et a décidé de créer la fête. Alors, il a créé Ibiza. Ibiza. Bruno dans la radio, en direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Les amis, je vous fais un petit kiff. Vous avez le live vidéo sur funradio.fr. Je vous mets l'ambiance. D'accord. On est bien. Vous êtes sur la route du boulot, vous êtes sur la route pour passer votre brevet. Je sais qu'il y a des épreuves de brevet ce matin. Nous, là, pendant 3 minutes, on vous emmène avec nous. Que vous soyez à Poitiers, à Paris, à Montpellier, à Lyon, à Schiltigheim ou à Mulhouse, que sais-je, faites-vous kiffer. Major Lazer sur Fun. Oh, avec le lever de soleil, c'est un kiff. Lennon. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Do you recall not long ago we would walk on the sidewalk innocent, remember? All we did was care for each other, but the night was warm, we were bold and young. All around the wind blow, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Qui vient tout ruiner, quoi. C'est horrible. Vous avez de la chance, les micros étaient coupés, mais pour nous, ça a été atroce pendant 3 minutes. C'est et, ça. Et pendant que je vous parle, en scred, il y a le patron de Fun Radio, Lucas, Sébastien, Joseph, Jean-Louis, Maxime, Pedro, Esteban, qui est en train de bouffer les feuilles de menthe du Morito, mec. Le mec, je le regarde, il est sur le linon, il était en train de bouffer comme un âne. C'est du raisin. Ah, je croyais que... Mais non, il a des feuilles. Ah non, c'est du raisin, autant pour moi. Ah. Donc c'est moi qui vais pas bien. C'est juste que Lucas est tellement mal réveillé qu'il mange la grappe avec. Les amis, dans quelques minutes, il y aura la chanson du jour. Rendez-vous à 7h30. On a quoi ce matin dans la chanson du jour, mon Elliot? Ah bah, en gros, on a Julie qui voudrait appeler son mec parce qu'elle veut partir en vacances toute seule. Je t'explique, Bruno. Il devait partir à 4 couples à la base, ok? Julie, elle est en couple. Et il s'avère que les 3 mecs des couples ont décidé de ne plus partir pour des raisons personnelles. Ouais. Donc du coup, lui le sait pas, mais lui veut chauffer, pardon, à partir seul avec les 4 meufs. D'accord? Ouais, ouais. Mais sa meuf, elle veut passer les vacances tranquilles entre meufs. Elle sait pas comment lui dire. Oh merde. Donc elle veut l'appeler, lui dire laisse-moi partir entre meufs, je t'inquiète, je te tromperai pas, on fera pas trop la fiesta. Ah. Ça va être chaud. Chanson du jour, ce sera tout à l'heure en direct sur Fun Radio. On va tout chanter, Et c'est vrai que tu vas la chanter en live. Ouais, ouais, mais tout le monde là, vous allez prendre le refrain avec moi, c'est sur le collectif métissé. Ouais, peut-être qu'il fallait s'entraîner avant, non? Ouais, c'est ça. Mais je viens de finir les paroles il y a 2 minutes. 7h26. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. Bonjour. 7h26, on a lancé ce sujet à la plage il y a toujours. Vous complétez, vous avez été nombreux à en balancer avec le hashtag Bruno et Ibiza. Christina va nous en donner là dans quelques secondes. Je voudrais qu'on accueille Delphine, elle est à Rouen. Bonjour Delphine. Bonjour Bruno, bonjour la famille, bonjour Ibiza. Et ouais, on est là. Delphine, je t'écoute. Bah, à la plage, il y a toujours un vieux mec qui se promène pour étaler ses muscles en montrant qu'il a bien préparé l'été, quoi. Oh, bah, et tu sais quoi, à Ibiza, il n'y a que ça. Ah ouais, ouais. Oh, ça m'énerve. C'est-à-dire que, même moi qui ai perdu 18 kilos cette année, tu vois, je me suis dit, bah putain, je vais pouvoir me la péter un peu sur la plage, j'ai pas osé en fait. Que dalle. Non, mais tu peux être fier de ton régime, Bruno. Ouais, c'est clair, mais bon, il manque encore les abdos. Il va falloir qu'on fasse un ou deux doses. Et puis, il y a un truc ici, ils sont tous bronzés. T'as l'impression que, bah, je sais pas. Attention. Après, il faut se dire que c'est des gens qui passent leur temps à la salle de muscu, qui passent leur temps chez Point Soleil avant la saison, tu vois, et ils kiffent pas la vie. Tu vois, ils kiffent pas, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, putain. Delphine, je te fais des bisous, ma belle. Il y a Damien qui est à Antibes. Bonjour Damien. Salut Bruno, salut la famille, salut Lisa. Salut mon chéri, je t'écoute. Eh ben moi, je dis, l'été à la plage, il y a toujours une vieille avec les seins à l'air. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, il y a beaucoup ici. C'est gants de toilette et c'est très ignoble à regarder. Alors, il faut savoir quelque chose. Souvent, celles qui mettent, qui font topless, sont pas forcément celles qui ont les plus beaux seins. Moi, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu hier, la Antoine Griezmann des seins à l'air. La nana, elle avait les seins qui tombaient tellement qu'à chaque, pas, on a l'impression qu'elle faisait des jongles avec ses genoux. Je te jure. Mais pourquoi, sous prétexte que tu es vieille ou que tu as les seins qui tombent, tu ne peux plus faire du topless? Non, c'est vrai. Non, mais moi, je dis ça, c'est surtout le danger de marcher dessus et tomber. Surtout ça, moi, tu vois. Moi, je pense à ça. Je t'embrasse, Damien. Il y a Victor, il est au Havre. Bonjour, Victor. Salut Bruno, salut la famille, salut Ibiza. Salut mon pote, je t'écoute. Alors à la plage, il y a toujours, pendant que t'es tranquille en train de bronzer peinard, un mec qui gueule beignet, chuchu. Grave. Ou alors un gars, et là ici il y en a beaucoup, qui veut te vendre un chapeau, une paire de lunettes, des Louis Vuitton ou des Rétan. C'est un peu la même chose, sauf que la marque change et ça peut être un peu relou. Je t'embrasse, oui Elliot. Et là t'as les bracelets, t'as vu le mec qui veut te vendre un bracelet, il dit si t'es célibataire, je te vends celui-là. Si tu veux pécho, je te vends celui-là. C'est une galère. Hashtag Bruno et Ibiza. Ouais, à la plage, il y a toujours Nicolas qui nous dit. Un mec qui colle sa serviette près de la tienne alors qu'il y a 1000 places partout. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi François Schmuck qui dit, pareil, une mamie qui bronze topless et qui te choque à vie. Moi, il y a Aurore, celui d'Aurore, il m'a fait rire avec le hashtag Bruno et Ibiza. À la plage, il y a toujours cette famille qui est chargée comme si elle déménage. Ouais. Et généralement, c'est la mienne. Un dernier. Il y a Jolo Déjanté qui dit, il y a toujours une merde enterrée quand tu déterres et que tu fais ton château de sable. Ah bon, une merde? Une merde. Ah, une merde. Parce qu'une merde, ça m'a angoissé. Merci pour ce moment petit-déj. Toujours sympathique. Omi, cheerleader, on va vous mettre ça sur Fun Radio dans 5 minutes, un peu en mode été, un peu en mode vacances. On revient en direct avec la chanson du jour juste après les news. C'est Fun Radio, à tout de suite. C'est la foire au siège auto chez Baby Zeros, l'espace 100% puriculture chez Toys R Us. Jusqu'au 10 juillet, jusqu'à moins 40% de remise sur plus de 150 références. Par exemple, le modèle Trio Joie, groupe 2-3, est à 59,99€ seulement au lieu de 99,99€. Toys R Us garantit le meilleur prix et rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs, même sur Internet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Géant, envie de fraîcheur, des légumes de saison à moins d'un euro le kilo, c'est chez Géant. Les tomates rondes grappes, origine France catégorie 1, sont à seulement 89 centimes le kilo. Géant pour régaler toute la famille, non? Une offre à retrouver dès à présent et jusqu'au dimanche 26 juin au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Offre valable hors Corse. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez souscrire un contrat d'électricité directement avec l'application EDF et moi. C'est même possible pour le gaz. Et comme tout se fait avec l'appli, vous réalisez vos démarches quand vous voulez. C'est tout de suite plus simple, surtout si vous êtes en plein déménagement. Facilitez vos démarches, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos offres d'énergie sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En ce moment, avec les soldes but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Vous restez sur Fun Radio, on est ici en direct d'Ibiza. On va revenir en direct dans quelques secondes avec la chanson du jour. Je peux vous dire que Elliot, donc, a écrit la chanson du jour, il l'a fini il y a 10 minutes. Il essaye de nous faire répéter le texte depuis 10 minutes, ça va être de la merde. Je préfère vous prévenir. Il n'y a aucune rime, c'est pas en pied. Je ne sais pas comment il a écrit ça. Il a écrit ça justement avec ses pieds, je crois. C'est ça. Bon, on va essayer. Ça va se faire là, juste après les infos sur Fun Radio. A tout de suite. Fun Radio. Le son. Flav. Merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le 24 juin et c'est Alex de Saint-Aignan pour les infos. J'espère que le flash sera mieux que celui d'il y a une heure, Alex. Il était très bien il y a une heure. Puisqu'on me signale qu'une vingtaine d'étudiants d'une école de journalisme se sont défenestrés en t'entendant tout à l'heure. Donc tu peux te rattraper, c'est un kit ou double maintenant. Allez, allez, on y va. Zéro bafouille. La météo du grand soleil. Attention, dans le sud-est. Bien. Zéro bafouille. En plus, zéro c'est pas bafouille. Cool. Tu sais que Alex, en plus, il est stressé quand on lui met la pression comme ça. Donc, ouais, c'est pas bien. Mais zéro bafouille quand même. Il était moins stressé hier soir à 1h30. Entre deux culs, Pardon, on ne veut pas en parler. On ne parlera pas de ça, non, je vous confirme. Allez, allons-y avec la météo. Zéro bafouille, Alex. Du grand soleil dans le sud-est, des éclaircies sur le nord-ouest. Entre les deux, c'est encore un temps instable avec des risques d'orage de l'Aquitaine à l'Alsace. Quatre départements toujours en vigilance orange ce matin. La Gironde, la Charente, la Haute-Vienne et la Dordogne. Demain, la météo sera à peu près la même. On prévoit des éclaircies sur toute la France dimanche. Côté température, ça se rafraîchit aujourd'hui, sauf au bord de la Méditerranée. Il fait entre 12 et 25 degrés ce matin. On prévoit 19 au Havre cet après-midi, 23 à Biarritz, 24 à Paris, 30 degrés à Perpignan. C'est un coup de tonnerre pour l'Europe. Ce matin, le Brexit, les Britanniques ont voté massivement. Hier, le Royaume-Uni sera le premier pays à sortir de l'Union Européenne. C'est désormais officiel. 52% des électeurs britanniques ont voté pour quitter l'Union Européenne. Les marchés financiers sont en chute libre. Les manifestations contre la loi travail, entre 70 et 200 000 manifestants hier dans toute la France. Le défilé parisien s'est finalement déroulé dans le calme, alors que dans le même temps, une centaine de casseurs ont attaqué le siège de la CFDT dans la capitale. C'est le syndicat en faveur de la loi El Khomri. Les chiffres du chômage pour le mois de mai, on va les connaître ce soir. Le gouvernement les dévoile à 18h. Après deux mois de baisse, un troisième mois consécutif serait inédit depuis la crise de 2008. Enfin, une exclusivité à découvrir ce matin, le clip du nouveau titre de Kungs. Vous pouvez le regarder dès maintenant et uniquement sur funradio.fr. On l'écoutera sur Fun Radio dans quelques minutes. Très bon réveil. Ibiza, la fête, la plage, la piscine, le soleil, les boîtes de nuit bondées, les jolies filles et Elliot en maillot de bain. Dans la radio. En direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. 7h34, c'est Fun Radio. Bon réveil, nous sommes en direct d'Ibiza et en public. Yeah. Alors, avec les auditeurs qui nous ont suivis et la team Fun Radio, voilà, pour vous, on a eu des audiences canons cette année sur Fun Radio et du coup, tout Fun Radio est ici à Ibiza. Alors, le reste de l'antenne est arrivé hier en début d'après-midi. On va essayer de récupérer Karel, Marion, Anso, quelques animateurs, là, vos animateurs préférés de Fun Radio dans quelques minutes parce que eux, c'est la première fois qu'ils venaient. Mais oui, donc du coup, il faut qu'ils nous fassent découvrir un peu, raconter leurs impressions, comment ils ont vécu ces 24 heures. Comme me disait Karel quand je lui ai posé la question à 23h, 23h30 comment tu trouves Ibiza. Il a dit très justement, il a dit j'ai trouvé ça touchant. Il est derrière toi, ils seront avec nous. Tu racontes, ma chérie. Pas vomi, c'est toi qui vomissais. Ils seront n'importe quoi avec nous tout à l'heure. Chanson du jour, ça arrive dans quelques secondes. Et puis aujourd'hui, c'est la dernière de l'année. Et pour cette dernière de la saison, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Mais quand je dis un cadeau, les amis, c'est au-delà d'un cadeau. Je crois qu'en fait, on peut vous payer les plus belles vacances de votre life. À partir de maintenant, il est 7h35. Vous avez une heure pour envoyer Bruno par SMS au 74-900. Vous avez jusqu'à 8h35, d'accord ? Vous envoyez Bruno par SMS au 74-900. Et là, vous allez avoir un SMS qui va vous poser une question. Vous répondez à cette question dans une heure. Je vais choisir, ou plutôt l'ordinateur va choisir au hasard, un SMS avec un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, je vais l'appeler en direct à 8h35. Vous êtes là, vous décrochez, vous gagnez non pas 1000 euros cash, non pas 2000 euros cash, vous gagnez 5000 euros cash. Wow. Le chèque de 5000 euros part ce matin depuis Paris en Chronopost. Vous l'avez chez vous demain sur votre compte. 5000 euros, les amis. C'est-à-dire que ça vous change les vacances. Ah bah, là, vous pouvez faire péter des billets d'avion, vous parlez où vous voulez dans le monde. Alors. Vous pouvez partir. 5000 euros cash, vous voulez les gagner. Bruno par SMS au 74-900. Vous mettez pas la pression, vous avez une heure. Tirage au sort tout à l'heure, 8h35. Bruno ! Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. La chanson du vendredi. Faites sonner le clairon pour Juliette. Bonjour Juliette. Isa. Oui, Isa, bonjour. Toi aussi. Salut ma chérie. Juliette, t'as 27 ans, t'habites à Nantes. Oui. Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr, c'est la dernière chanson de l'année. C'est avec toi que nous allons terminer la chanson du jour, qui reviendra. Alors, il va y avoir beaucoup de nouveaux rendez-vous au mois de septembre quand on va revenir. D'ailleurs, on revient pas au mois de septembre, on revient au mois d'août. Hein. Le 29 août. Voilà, que je vous le dise maintenant, Bruno dans la radio, ça redémarre le 29 août. Je suis désolé, c'est un peu comme, tu sais, quand tu pars en vacances au mois de juillet, qu'il y a déjà les cartables dans le centre Leclerc de tes vacances. Je vous parle déjà de la rentrée alors qu'on n'est pas encore parti. Tu m'as écrit donc à bruno@funradio.fr pour m'expliquer ceci. Tu es en couple avec Nathan depuis 4 ans, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Ça fait, ça fait 2 ans que vous êtes installés ensemble, vous êtes extrêmement fusionnels, c'est ce que tu m'as dit, et vous deviez partir en vacances à 8, 4 couples, c'était prévu pour cet été. Alors le seul problème, c'est qu'il y a eu plein de désistements. Explique l'histoire. Ah oui, bah, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, certains de mes potes, du coup, qui se sont désistés. Alors, soit pour des raisons professionnelles, soit parce qu'il y en a un, sa mère, elle est malade. Ouais. Enfin, bon, bref, j'ai en train de tomber à l'eau. Et du coup, il reste surtout mes copines. Et il y en a un, Gabi, qui restait, du coup, il aurait pu partir avec sa copine. Et finalement, lui, il est plus trop motivé, vu que les autres potes ne viennent pas. D'accord. Et donc, en fait, à l'arrivée, il n'y a que tes copines, mais il reste un mec, et ce mec, c'est le tien. Exactement. C'est un peu ça, voilà. Ah. Et donc, ce matin, tu voudrais qu'on lui fasse passer un message. Et le message, c'est « Est-ce que tu veux pas me laisser partir en vacances seul avec mes copines ?» Oui. Hein. Alors Bruno, juste, faut savoir pourquoi c'est délicat, c'est qu'ils doivent partir dans moins de 2 semaines. Donc c'est tout est prévu. D'accord. Et c'est bizarre qu'il se soit partiré de lui-même, quand même. Oh là là. Ils ont non, parce que comme on part toujours ensemble et qu'on fait tout ensemble, il voudrait quand même qu'on passe nos vacances ensemble. Et là, du coup, j'aimerais bien que finalement y aller sans lui. D'accord. Isoler cette phrase quand même. On va, je vous en supplie. On va essayer de lui faire passer le message. Pendant que je suis en train de te parler, il attend au standard. On va le prendre en direct à l'antenne. On lui fait la chanson et après tu t'expliques avec lui, d'accord ? D'accord. Merci. Tu ne bouges pas. Au téléphone avec moi ce matin, il y a Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour. Nathan, je m'appelle Bruno Guillon. Oui. Tu es en direct sur Fun Radio. Sur Fun Radio. On t'a donné un nom d'une autre radio hors antenne, mais on le fait exprès. C'est pour pas que tu nous écoutes. Si jamais t'es auditeur, c'est pour pas que tu nous écoutes. Nathan, si tu es là ce matin, c'est que j'ai un message pour toi. D'accord. C'est une chanson de la part de Juliette. Ok. Tu vois qui est Juliette ? Oui, tout à fait. Ouais, je demande toujours en général, parce que le mec il dit non, non, je vois pas qui c'est. Ouais, ce serait horrible. Tu écoutes les paroles et on en parle juste après ? D'accord. Alors, bon, fais pas attention, cette chanson va être interprétée en direct. Il a demandé à tout le monde de chanter. Les répètes se sont passées pas très bien pendant la pub. Je propose quand même que sur le début du refrain, il chante tout seul parce que sinon il va rien comprendre. T'es prêt, Nathan? Et bah, c'est parti, Elliot, à toi de jouer. Est-ce que vous êtes chaud et bizarre? Enfin, j'ai appris à tonton Jean-Claude. Tu sais les vacances que t'avais prévues, ta meuf voudrait que tu te les foutes au cul. Car tous les mecs se sont déchauffés, donc c'est toute seule qu'elle voudrait aller. En gros ta meuf, oh oh, en gros ta meuf. En gros ta meuf elle voudrait que tu la laisses partir cet été avec les gonzesses. Sois pas flippé, elle promet de pas du tout te tromper. Honnêtement tu as tout à y gagner. Sans déconner, déconne pas, je serais toi je lui lâcherais les miches. Car tu sais bien tranquille au finish. Et si tu décides de la laisser, elle promet de bien te faire kiffer. Car ton zizi elle compte le faire dresser et ton fantasme le réaliser. Alors honnêtement mec, laisse-la partir, car elle veut bien le faire dans un lieu public. Alors je serai toi ce que t'avais prévu. Mon petit Nathan, je me foutrai au cul. Et je la laisserai y aller. Car sans aucun mec, tu vas pas t'éclater. Oh la zarbi. Ce qui est grand, c'est qu'en plus il a oublié des mots. Ouais. Qu'il a rajouté, parce qu'il a imprimé des feuilles, après il a rajouté des mots au stylo. Nathan, est-ce que tu as compris le message? Oui, vaguement. J'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr, mais oui. Eh ben écoute, en fait, voilà, ta nana aimerait partir en vacances seule avec ses copines, vu que tu vas être que le seul mec qui se désiste pas. Elle se dit, voilà, tu pourrais lui faire ce petit cadeau, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais elle est gentille, mais elle me dit ça une semaine avant de partir, enfin, on part début juillet là. Bah écoute-moi, le mieux c'est que tu t'expliques avec elle. Juliette. Aïe. Oui. T'es en direct avec ton chéri. Ok. Coucou chéri. Mon cœur. Voilà, mais bah écoute, je voulais savoir si ça t'embêtait pas trop, du coup, vu que tout le monde se désiste au fur et à mesure, bah de partir juste avec mes copines et que toi, bah à la rigueur, bah que tu trouves un autre plan pour la semaine du 2 au 10 juillet. Ah, je t'entends mal. T'es gentil, mais tu m'annonces ça une semaine avant de partir, là. Enfin, je sais, mais bon, regarde, ils nous plantent tous au fur et à mesure. Et moi, je me suis dit, bah, finalement, voilà, partir une semaine avec mes copines, ça pouvait être sympa. On va juste s'amuser. T'inquiète pas, voilà. Tu sais bien que je suis fidèle. Enfin, t'as rien à craindre. C'est juste un délire d'une semaine avec les copines. Franchement, je te cache pas que ça me fait chier, quoi. Enfin, de partir, tu me plantes comme ça, quoi. Enfin, Nathan, ouais, je sais bien Nathan, que Nathan, oui. Nathan, s'il te plaît. Je veux que tu me dises oui ou non. Bah, si elle me promet des tâches, oui. Voilà, elle a promis. Bien sûr, on va être sage, voilà. Et surtout, Nathan, ça veut dire que toi, tu peux te faire une semaine avec tes potes, et ça n'a pas de prix. On t'embrasse, mon pote. Mais non, ses potes sont pas dispo, c'est vrai. Il en prend l'autre. Moi, j'ai un plan, il y a le casque virtuel Samsung qui coûte 99€. En fait, tu peux te mettre dans des paysages idylliques. Donc, tu choisis ton pays, avec Google Street View, bah, tu te retrouves sur la plage. Et tu te mets une bande-son de nature et découverte, tu vois, où t'entends la mer. Bon. Et t'es en vacances. Juliette. Oui. Tu nous dis merci. Ah, mais à grand. On te fait des bisous, ma chérie. On va revenir en direct sur Fun Radio. Oh, Un avion. On est en direct d'Ibiza. Hashtag Bruno et Ibiza. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. Sound of Legend. Galantis, Matel, la radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dancefloor. Ce sont les soldes chez Toys R Us. Chérie, il y a un énorme ours dans le salon et un éléphant encore plus énorme dans le jardin. Bah oui, énorme. Comme les soldes chez Toys R Us. L'ours de Bladwick Lego Shima à -40%, soit 23,99€ seulement. La piscine éléphant à partir de 3 ans est à 14,99€ au lieu de 24,99€. Offre valable du 22 juin au 10 juillet. Voir modalité en magasin et sur toysrus.fr. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Julien, c'est quoi votre manie? Alors moi, pour encore plus savourer la promo sur le champagne éthique, je prends une bouteille, je vais me balader, et puis je reviens prendre la deuxième qui est gratuite. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de champagne Éthique & Co Monopole Brut Grande Cuvée 75 centilitres, la deuxième est à 0€ au lieu de 28€. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Découvrez de nouvelles expériences sur funradio.fr. Sur la page Buzz, accédez à l'essentiel du web à partager avec vos potes. Sexy, what the fuck, en photo ou en vidéo. Ne manquez rien de ce qui fait buzzer le web chaque jour. Rendez-vous sur funradio.fr et accédez également à un maximum de contenu dans les trois autres univers dédiés. Gaming, fitness et soirée. Démarrez maintenant votre expérience sur funradio.fr. Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. A décidé de créer la fête. Alors, il a créé Ibiza. Oui, Ibiza. Bruno dans la radio, en direct d'Ibiza jusqu'à 9h sur Fun Radio. Les amis, en direct d'Ibiza, vendredi, c'est le 24 juin. Dans quelques secondes, il y aura Omé. À 9h15, on va faire un truc de ouf. On va se mettre en ambiance Ibiza comme si c'était le soir. On va ambiancer votre voiture, on va ambiancer votre salon, votre cuisine, on va ambiancer votre lieu de travail, votre boulangerie, votre boucherie avec les trois meilleurs DJ de Fun Radio. Voilà, les trois sont là. Maëva Carter, Adrien Thomas et Mick Ossé vont prendre les platines. Ils vont mixer 3x2, 6, hein, 6 mains. J'allais dire 8, je me disais, tiens, il y a des mains qui arrivent pour rien à foutre là. Et donc, qui a foutu la main dans le cul de Mick Ossé? Rien à voir. Ce sera tout à l'heure. Il va être content. De 9h15 à 10h, mix non-stop. On est en direct d'Ibiza. Je voudrais qu'on fasse un coucou. Voilà, on dit c'est la famille Fun Radio le matin, mais c'est la famille Fun Radio toute la journée. Il y a Marion Anso qui sont là. Ça va, les filles? Ouais, très bien. Ouais. Les lunettes de soleil, c'est vraiment pour le soleil ou c'est pour les cernes? Dites-moi la vérité. Ah, mais moi, c'est complètement pour les cernes. Je elle n'a pas dormi, Anso. Non, je suis sur un non-sommeil. Hein. Voilà. Je souffre. Ne lui demandez pas ce qu'elle a fait. Hein. Ah, si, bah, si, on va te demander. Hein. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est la queue devant sa chambre. Il y avait une dizaine d'Espagnols qui disaient dale, dale. Hey, c'est mon tour. Et arrête, arrête, il était tout seul. Il y a Karel aussi qui est là. Ça va, mon poteau? Bonjour. Je veux de la biafine. Mais, et, il est rouge, Karel. Karel, il fait Loving Fun tous les soirs avec le doc. S'il y a bien un moment où on avait besoin d'un doc, c'était ici à Ibiza, mec. Mais, pour les lendemains que... cuites, pour les MST, enfin, tu vois, pour plein de trucs. Ah bah, doc, doc a un vrai métier, quoi. C'est le seul ici, en fait. Hein. Vous pouvez pas venir. Je voulais vous faire passer au micro parce que nous, alors, on est déjà venus l'année dernière. On avait été un peu scotchés par l'endroit. Hier, on a fait, vous avez vu, hier, on a fait genre, on était un peu blasés hein, devant le reste de l'équipe de Fun Radio. Genre, on connaît par cœur. On connaît par cœur. Ouais, ouais, ouais, on a fait les guides, quoi. Ouais. En quelques mots, Ibiza, les filles. Ah mais c'est impressionnant, franchement la vue est ouf, les gens sont bah c'est des fêtards quoi, franchement ouais. C'est cool, les meufs ne s'habillent pas par contre. Ah ouais, c'est hein. Ça. Il y a une pénurie de tissus hein, voilà. Sur l'île. Sur une nudité permanente, mais c'est sympa. C'est un genre. Ah mais c'est ça, c'est la fête à la fesse quoi. C'est vrai. Il y a des fesses partout. Ah donc tu nous parles vraiment de ta nuit tout de suite. Non mais Anso, je voudrais surtout que tu nous dises qu'est-ce que c'est. Ce que tu as sur ouais, ton bras. T'as une blessure sur le bras, alors, c'est quoi? En fait, je suis allée cette nuit dans une petite crique. Quoi, mytho, il était SM. Il fout dans une crique. Bah rien. La personne avec qui j'étais m'a emmenée dans une crique il m'a dit fais attention. Mais genre, vous êtes allé pêcher, un truc comme ça. Ouais, quoi. C'est exactement ça. Ah, d'accord. Il m'a dit fais attention, c'est des marches en bois. Puis bon, bah, j'ai glissé. Donc, ouais, le mec, il a été à la pêche au moule. Je dis la classe. Merci Voltaire, en tout cas, de et donc, t'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi, non. Bah, est... Mais je suis en pleine forme, attendez, je suis là depuis 5h30. Voilà, quoi. Et je n'ai aucune répartie. Donc. Et Karel, toi, tu penses quoi d'Ibiza, alors? Je trouve ça un peu surfait, j'ai l'habitude d'aller en Bretagne. Et, pour le coup, non, c'est énorme, franchement. Il y a des meufs de ouf ici, quoi. Ouais. Ah ouais, et ouais, des mecs aussi. Hein. Et bah oui. Le comparatif est pas mal, t'imagines Mike Posner chanter I took a pill in Douarnenez. Non. Je suis pas persuadé que ça aurait marché autant. Et je voulais juste rajouter un truc parce que les amis, on vous retrouvera la semaine prochaine sur Fun Radio. Vous serez là hein, la semaine prochaine. Ouais. Vous êtes en vacances, c'est pas nous en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. On part une semaine avant vous. Hein. Alors, attention, et d'ailleurs, je voudrais lever le voile sur quelque chose, puisqu'il y a des gens qui nous insultent en disant les gars, vous avez 2 mois de vacances, comment ça se passe la vie? On n'est pas payé. Hein. Ah non, c'est 2 mois de vacances sans solde. Attention. Ouais, on n'est pas payé. Non, et cet été, vous allez voir Elliot, ils vend des chouchous sur une plage à côté de Mimizan. Moi, je fais du nail art. Voilà. Ah ouais, ouais? Christina a fait des churros. Bien sûr, c'est ma spécialité. Les tatouages jaunés, Bruno, tu les fais toujours, toi? Je connais Anso par cœur, je savais que le mot de churros, on allait la perdre. Et excellent, mec. Et ben, on l'a perdu. Et moi, non, moi, je vais bosser un peu. Ah mais oui, sur une autre radio, donc j'ai pas le droit de le dire. Vas-y, dis. Enfin, tous les râteliers, celui-là. C'est une radio pour adultes, disons. Ah ouais? Ah, c'est Jacques qui émissionne radio. C'est ça. Une radio pour adultes, les gens vont se dire c'est quoi ce délire de radio pour adultes? Qu'est-ce que ça? Moi je serai, c'est nos camarades de la radio du dessus entre 9h15 et 11h. RTL quoi. Ouais, exactement. On peut le dire. Tu pourras tu pourras dire bonjour à Laurent Ruquier. Eh ben écoute, j'y manquerai pas, je l'embrasserai pas. Il est gentil en vrai? Il est très gentil en vrai. Très bien. Il existe en vrai. Hein, vas-y, il est du showbiz, Bruno. Les amis, dans quelques secondes, il y aura le JPI. Je voudrais qu'on revienne sur les meilleurs moments de l'année 2015-2016. On a fait des petits modules, on en a passé un tout à l'heure. On a eu des trucs de ouf cette année. Il y a eu la crémaillère chez Elliott. Ouais. Il y a Vachier qui nous a annoncé, j'allais dire sa grossesse, on faisait de sa femme. Mais j'ai pris 4 kilos en vrai. C'est un peu la mienne. Il y a eu l'émission chez toi aussi. Il y a eu l'émission chez moi à Saint-Jean-d'Angély. Ben voilà, on vous a fait 3 petits best-of. Le premier est passé tout à l'heure, ça dure 1 minute 30. Écoutez. Alors nous sommes en direct de Saint-Jean-d'Angély. Oh mon Dieu, bonjour! Oui, bonjour madame, monsieur Vacher du resto de fruits de mer de la rue Chevreuil. On a une bestiole qui s'est échappée, vous l'auriez pas vue? Qu'est-ce que vous cherchez? Une huître, c'est ça? Oui, huître. Oui. Vous voulez que je vous explique comment on appelle une huître? Ah ben oui, alors allez-y. Alors, il faut faire ce bruit. Huître. Huître. Qu'est-ce que... Oh, hey! Attendez, madame, je dois vous laisser, il y a une crevette qui est en train de me voler ma bagnole. D'accord. Aïe. Et pour commencer, justice, Nabila a pris 6 mois. Ferme ta gueule. C'est la roue qui va choisir quelle personne de l'équipe va faire ce défi. Chanter du Kenji Ritano après avoir mangé un des piments les plus forts du monde. Allez. Oh, il vient de croquer. Ça y est, il l'a dans la bouche. Ritano. La tête qui fait. Je peux pas parler, c'est le plus rempli. Je t'ai jamais vu comme ça. Tu crois que ça s'arrête? Ouais. Et non. Et on va tenter quelque chose dans la chanson du jour de ce matin. Parce qu'il est avec nous en studio. Ah, tu as un message à faire passer. Et ce message, tu veux le faire passer à qui? La demoiselle qui est à côté de moi. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, t'es la femme de ma vie, je t'aime de tout mon cœur. Marie-Caroline. Il a amené la bague. Oh, il se met. Bravo à vous deux, franchement. Applaudissements pour Maître Gims. J'essaie d'y croire, je me voile sûrement la face, je me voile sûrement la face, tu m'as poignardé dans le noir. Les amis, vous envoyez Bruno par SMS au 74 900. J'ai 5000 euros cash à vous offrir ce matin. Le tirage au sort, c'est dans 40 minutes. Bruno par SMS au 74 900 pour gagner 5000 euros. C'est Omi, tout de suite sur Fun. Avec le soleil qu'on vous envoie là, via Ibiza, il fait plaisir le homie. Et cheerleader sur Fun Radio. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. C'est le journal pour en image, le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer l'événement, les Anglais ont voté la sortie de l'Union Européenne. Alors pour que les plus jeunes comprennent, c'est comme si vous aviez décidé de ne plus faire partie de votre bande de potes parce que vous en aviez marre d'être le seul à payer la bouteille en boîte. Bien expliqué. Football, Laurent Blanc ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Il doit être vert de rage, Laurent Blanc. Ouais, j'avoue qu'il risque d'être dans le rouge, Laurent Blanc. C'est clair, il doit avoir une peur bleue de ne plus travailler, Laurent ouais, Blanc. C'est bon, on a compris. Eh ben oui. Nous sommes en direct au Tibisa. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement dans une piscine avec 5 jolies filles. Oh non. Rectification, je suis dans un jacuzzi maintenant. Ouais, mais seul du coup, forcément. Dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les anciens footballeurs et les spécialités chinoises, mangez du riz cantona. Voilà, c'est la fin du JPI. Ah bon. Tout à l'heure, à tout à l'heure. Tube de cet été dans un seul tube. C'est fou, ça. C'est un incroyable. Concentré du tube. C'est un peu le multifruit du tube. C'est un pot pourri, quoi. Que vous ont préparé les DJ de Fun Radio. C'est le mash-up de l'été. Ça va arriver là dans moins de 3 minutes après les news. Et puis à 8h10 en direct, je paye de la facture. Et Martin Solveig, en invité ce matin. C'est la dernière de la saison. Hashtag Bruno à Ibiza. On revient juste après ça. Dans un monde sans espoir, sans âme, sans rire, sans dentifrice, elle est la seule à pouvoir changer les choses. La grosse émission revient sur Comédie Plus, du lundi au vendredi à 18h22. Environ. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou ! Qui veut des choux ? Chou ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients B-Box 20 films en VOD. Wow, 20 films en VOD sur ma B-Box Miami? Oui. Avec les pop-corn? Ah. Non mais je demande, bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients B-Box. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Si le canapé, je mettais plutôt ici, et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là, et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea. Dans la limite des stocks disponibles. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Fun Radio, la radio qui vous a fait découvrir Kungs. Il était tellement content, Kungs. Il était venu d'ailleurs mixer avec nous là durant cette année à Saint-Jean-d'Angély, qui m'a filé en exclu son nouveau single. Je vais vous le faire découvrir avant 8h30. Et alors ce qui est ouf, c'est que j'ai le clip également en exclu qu'on va vous diffuser en simultané sur funradio.fr. On revient après les news sur Fun. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Vendredi, c'est le 24 juin et ici on l'appelle déjà la Rustine. La Rustina. La Rustina. Les habitants d'Ibiza, voilà, qui ont déjà beaucoup sympathisé avec. Ils sont très sympas les Espagnols. Justine Salmon, Justine Salmon qui était topless hier à la piscine. Vous pouvez retrouver les images sur Google Maps. Ça va. Pas. C'est-à-dire qu'il y avait un sein qui allait jusqu'à Mallorca. Ouais, c'est ça. Et l'autre qui touchait, qui était juste à l'entrée de Marrakech. Vraiment. Ça marche. Mais qu'est-ce que. Non mais c'était bien, ça faisait pont. Il y a des mecs qui passaient en bagnole. Bien sûr. Bien sûr. C'est la première fois qu'il y a un pont sur la Méditerranée, je te jure. Alors ça a bloqué des bateaux au détroit de Gibraltar forcément. Mais là ça y est, la nana est revenue, tout va bien, elle a reroulé les doses. Mais jamais vous vous lasserez des vannes sur mes seins. Jamais. Justine Salmon, ouais. Pour les infos, bonjour. Bon, non, c'est vrai, bonjour. Que quand elle a plongé, il n'y avait plus d'eau dans la piscine. Mais quel lourd. Mais c'est une bonne idée de les avoir fait sponsoriser. Par contre, le tatouage Zodiac de chaque côté, c'est un peu chelou. Je sens que t'es parti là. Hein, il paraît que t'as trouvé du taf pour cet été. C'est toi qui amènes les candidats à Fort Boyard. Mais j'en peux plus. Allez, on y va. Je m'en peux plus de toi. On y va avec la météo. Allez, oui, c'est assez partagé aujourd'hui. Ça va être rapide en même temps. Hein. Le soleil pour le sud-est. On aura des averses orageuses de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Et ailleurs, ce sera des éclaircies. Il fait très bon ce matin de 14 à 20 degrés. Cet après-midi, 26 degrés à Reims et 30 à Perpignan. C'est l'info du jour, les Britanniques. Attendez, excusez-moi. C'est pas possible. Ouais, non, je fais signe au bateau. Elle finit son flash et après, vous pouvez traverser la Méditerranée. Excusez-nous. C'est lourd. Désolé. Bah, écoutez, c'est ça. C'est les infos. Hein. Dans 30 secondes, c'est fini. Allez, salut, bon réveil. Ah, c'est fini déjà? Ouais. Ah, allez, bah, super. À toutes. Hein. C'est bon, vous pouvez y aller. Le Radio. C'est le 24 juin, nous sommes en direct d'Ibiza. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. C'est la dernière de la saison de Bruno dans la radio, la famille. Dernière de la saison, vous vivez avec nous. Dans quelques secondes, avant 8h30, il y aura le nouveau Kungs. Il y a le mash-up de l'été là qui arrive dans moins de 5 minutes. Tous les titres qui vont vous faire danser cet été, vous allez, les amis, les découvrir, mixer pendant 3 minutes et puis inviter tout à l'heure, 8h15. Martin Solveig. Martin Solveig. Martin Solveig. Martin Solveig. Martin Solveig. On l'a rencontré avant-hier, juste avant sa soirée My House. Ouais. Il a été canon. Voilà. Alors, franchement, on a choisi les meilleurs moments de l'interview. Vous écouterez ça tout à l'heure. Il parle de l'équipe de France de foot. D'ailleurs, il faut savoir que grâce à l'équipe de France, il n'est pas à l'abri de faire un record, Martin Solveig. Tout à fait. Voilà. Vous allez vous dire, mais pourquoi ? Ben, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Il nous a branché sur tout un tas de trucs. Il y a même des auditeurs qui lui ont posé des questions. Bref, ce sera tout à l'heure, 8h15 en direct sur Fun Radio. Il y a Christina qui est là. Bonjour à tous. Oh là là, la voix de Marge. Bonjour. Bonjour Christina. Et je vous paye mon whisky. Et il y a Vaché. Et bonjour. Et bien, bonjour l'Espagne. Dale, dale, merci, merci. Il y a Elliot. On n'est pas un mariage, je te jure. Non, je t'assure. Les amis, merci, merci, merci d'avoir fait de Bruno dans la radio l'émission qui a connu la plus forte progression d'audience entre 2015 et 2016. On finit une saison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a une semaine. C'est passé si vite, on s'est tellement éclaté. Tellement, tellement de choses. Tellement, je suis tellement content. Je suis content. C'est vrai qu'on n'a pas fait assez l'action québécoise. C'est pas du tout l'action québécoise. C'est pour ça, en fait. J'ai toujours rêvé d'essayer. Ça suffit. Hashtag Bruno et Ibiza, top tweet France, là, depuis tout à l'heure. Et au moment où je vous parle, vous tentez de gagner 5000 euros cash. On fait le tirage au sort tout à l'heure à 8h35. Vous arrivez que maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer Bruno par SMS au 74 900 et tout à l'heure à 8h35. Je vous appelle en direct. Je vous fais gagner 5000 euros si votre SMS a été choisi électroniquement. C'est un tirage au sort électronique. C'est 5000 euros. On vous les envoie par Chronopost. Le chèque part aujourd'hui. Vous avez le chèque demain. Ça vous paye vos vacances, même au-delà. Ou même ce que vous voulez, une bagnole, vous faites ce que vous voulez avec ces 5000 boules, on vous les offre ce matin, il vous reste 30 minutes pour envoyer Bruno par SMS au 74 900. On a quelqu'un au standard, je devrais donner le prénom mais je n'arrive pas à le lire puisque j'ai le soleil qui donne sur mon écran, je ne vois rien. Oh, quel problème. Allô, bonjour. Bruno dans la radio. Oh oh. Comment tu t'appelles? Salut Bruno, salut la famille, Céline. Bonjour Céline, Céline t'appelles d'où ma chérie? De Lyon. De Lyon, comment ça va à Lyon aujourd'hui? Quel temps à Lyon? Ah, il fait magnifique à Lyon, donc en plus avec Bruno dans la radio, on est juste au top ce matin. Pourquoi on est? Vous êtes plusieurs? Ah bah il y a mes enfants avec moi, on se prépare pour l'école là. Mais t'as quel âge ma belle? J'ai 26 ans. 26 ans, t'as combien d'enfants? Eh ben deux, 26 ans, marié, deux enfants. Et ouais. J'ai cru qu'elle allait dire deux malheureusement. Ah, ça coûte cher. T'as deux enfants, t'es marié, t'as 26 ans, t'entends des cons qui sont à Ibiza et tu dis putain, je suis passé à côté de ma vie. Moi. Qu'est-ce que je me fais chier avec un mari et des gosses. Voilà. Pour le coup, c'est sûr que là, ça fait trois jours que je me dis ça. Ouais, je me doute. Ça va leur faire plaisir s'ils sont devant la radio. T'avais un petit message à faire passer, je crois, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ouais, bah vous allez tous me manquer. Franchement, ça fait un an que j'écoute l'émission. Je suis vraiment tombée accro de Fun Radio, quoi. Et oh, bah, ça fait plaisir. Et je vous quand même de bonnes vacances parce que vous les méritez vraiment et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Et bah, t'es un amour. Merci, ma chérie, merci. C'est gentil. Et sans indiscrétion, bah, si vous, ça fait un an que tu nous écoutes, t'écoutais quoi avant de nous écouter sur Fun Radio? Eh ben, j'écoutais pas la radio avant et ben, je suis tombée sur vous et j'ai commencé à aimer la radio grâce à vous. Et oh, ça a dû te faire bizarre quand t'écoutes pas la radio et que t'appuies sur le bouton de cette petite boîte et qu'il y a du son qui sort. La première chose, c'est que t'as peur que ça te vole ton âme. C'est comme les Indiens avec une photo. Attention. Je te fais les bisous, ma chérie. Bah moi aussi, je vous embrasse. Merci pour tout. Merci la famille. Ciao, bisous, ciao. Bisous. Alors hier, on a tenté une nouvelle rubrique. Ouais. En fait, c'est l'équipe du JPI qui m'a vendu ça, mais tu sais, on se crée devant un Morito en me disant tu vas voir, c'est génial. Ouais. Ça s'appelle les 10 choses à ne pas faire. Oui, c'est ça. Hier, vous avez essayé sur les 10 choses à ne pas faire, il y en a eu qu'une que j'avais trouvé sympa. Ça marche. Alors là, c'est quoi aujourd'hui les 10 choses à ne pas faire? Quand on va à une pool party à Ibiza. Ah, très bien. Dans une pool party à Ibiza. Très bien. Et bien, ce sera dans 3 minutes sur Fun Radio. Le temps d'écouter le mash-up de l'été 2016. Tout ce qui va vous faire danser cet été, remixé par les DJ Fun Radio, compilé en 3 minutes, ça commence comme ça. Baby, I got this feeling. This is what you came for. Inside my bones. It was a crash. Bang my head against the wall. Up in my city. And everybody's watching her. But she's looking at you. Direct d'Ibiza, les amis, le hashtag Bruno et Ibiza en top tweet France depuis 6h moins le quart. Merci pour tous vos messages là sur les réseaux sociaux. Putain, ça va être compliqué de répondre à tout le monde, mais tous les messages par rapport à cette saison qu'on a passé ensemble, elle a été vraiment kiffante grâce à vous. Voilà, je vous dis, auditeurs de Fun Radio, vous avez été des bombasses toute l'année. On a un défi, la roue des défis va tourner une dernière fois tout à l'heure. On va la faire tourner vers 9h moins le quart, Christina. En fait, on n'a même pas besoin de la faire tourner, parce que j'ai envie de te dire, on a toute la famille Fun Radio ici présente, alors on s'est dit, bah, on va en profiter. Ouais. Donc c'est-à-dire que toute la famille Fun Radio, excepté nous, C'est bon ça. Puisqu'on est là, on est au micro, ouais. On va rester avec vous. On va tester un truc. C'est quoi? Est-ce que vous voyez dans l'émission Vendredi Tout est permis d'Arthur sur TF1? Je vois très bien, je vois très très bien. Ils essayent de rentrer à 1000 dans une voiture. Vous avez déjà vu cette épreuve? Ah oui, dans une deux chevaux. Putain, j'ai failli crever une fois dans ce truc. Exactement. Bah, on s'est dit qu'on allait tenter la même chose. Avec Anso. On va rentrer dans Anso. On peut rentrer à 1000 dans Anso. Meilleure vanne de la saison. Il aura fallu attendre la dernière. Par contre, c'est complètement naze parce que ça a déjà été fait, les gens le savent. Non, pas du tout. En fait, on a un bateau gonflable, ouais. Comme vous avez, en vacances, etc. On va voir combien de personnes on peut mettre sur ce bateau gonflable, donc dans la mer, hein, puisque donc mettez vos maillots de bain, sans couler. D'accord. C'est le défi du jour. Vous avez remarqué que tous les gens de fun font semblant qu'ils n'entendent pas ce qu'on dit. Ils sont tous en train de discuter, genre ouais, non, je sais pas de quoi ils parlent. On va les rebriefer en antenne. Bon, bah écoute, on fera ça tout à l'heure à 9h15. Yes. Tout à l'heure, Martin Solveig, interview de Martin qu'il a donné en exclusivité sur Fun Radio. Vous allez voir, il a été bombesque, Martin. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le set de Martin Solveig qu'il a fait au Pacha Club mercredi soir, il a fait un cadeau à Fun Radio. Il a autorisé ce que ne font quasiment aucun DJ. Je sais que David Guetta l'avait fait aussi. Pour Fun, il nous a autorisé à capter son set qui sera diffusé ce soir en exclusivité sur Fun Radio, le set My House. Voilà. Et donc il sera avec nous tout à l'heure. Pour l'instant, les amis, et avant de payer de la facture, voici donc pour la deuxième fois. On ne sait pas si ça va revenir à la rentrée, hein, mais là tu vois, c'est un petit peu la permission de minuit d'Ibiza. Voici les 10 choses à ne pas faire. Bruno, les 10 choses, à ne surtout pas faire, à ne surtout. Voilà, c'est toujours vous qui décidez si ça revient à la rentrée. Hashtag Bruno à Ibiza. Karina et Mika du JPI, les 10 choses à ne surtout pas faire. Dans une pool party. C'est parti. Quand on va à une pool party à Ibiza, il ne faut pas avoir une bouliche qui dépasse du maillot parce que personne n'a envie de voir tes boules vibrer sur du Bob Sinclair. Il ne faut pas oublier de s'épiler le maillot parce que tout le monde aime les bébés hérissons sauf quand ils sont dans le slip des filles. Ne pas venir avec un pince-nez parce qu'une pool party, c'est pas une compétition de natation synchronisée. Dans une pool party, il faut éviter de boire la tasse dans le pédiluve sauf si vous aimez les aftes infectés de pus. Il ne faut pas plonger dans le pédiluve. Approchez du pédiluve aussi. Hein. Et pensez au pédiluve. Il ne faut pas porter de moule bite parce que, objectivement, le seul à qui ça va, c'est Camille Lacour. Hein. Ne pas faire pipi dans l'eau parce que, dans une piscine, un courant d'eau chaude, c'est très suspect. Dans une pool party, il ne faut pas faire de pétou dans l'eau, sauf si vous êtes dans un jacuzzi, forcément. Oui, ne pas faire l'amour à sa bouée orque, sauf si tu veux vraiment sauver Willy. Et pour finir, dans une pool party, il ne faut pas venir avec des brassards, sauf si tu es le petit Grégory. Oh non, ça va pas, non. Les amis. Ouh, oh là là là. Remboursé. C'est quoi? Moi, je n'ai pas d'avis. Voilà, je demande aux auditeurs. Je vois des gens qui applaudissent. Ah, je crois que vous ça. Oui, mais c'est la famille. Ah, voilà. Bon, allez, les amis, je paye de la facture. Bruno, paye vos factures. Tous les jours, 7h10, 8h10 environ, je paye de la facture. On va continuer tout l'été, le morning de l'été là avec Jay qui va arriver, continuera à vous payer des factures, donc vous pouvez les faire parvenir. Carrément, vous avez deux moyens pour ça. Soit vous le faites par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris ou bien par mail facture@funradio.fr. Si on vous appelle en direct le matin, votre facture, c'est cadeau, c'est payé. Et nous partons ce matin du côté de l'île Jourdain. On part chez Laetitia. Allô ? Allô ? Laetitia ? Oui ? Bonjour Laetitia. Laetitia, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio. Oh ! Oh ! Laetitia, à l'île Jourdain. Ma chérie, quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Alors, j'ai 31 ans et je suis pas le premier. Palefrenière. Ça c'est le mot, t'as l'impression que ça vient du Moyen-Âge. C'est quelqu'un qui s'occupe des chevaux, Elliot. Ah, mais. Exactement.

petit cadeau de Fun Radio. Et depuis Ibiza à 8h23, pour la première fois, vous allez découvrir le nouveau Kungs. Il me l'a fait passer en exclu. On vous met le clip sur funradio.fr. Ça s'appelle Don't Know. C'est le nouveau Kungs sur Fun. Exclusivité Fun Radio, ça s'appelle Don't You Know, funradio.fr. On vous met le clip là, en exclu, funradio.fr, le clip du nouveau Kungs. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio. My House. C'est le nom de la soirée résidence de Martin Solveig tous les mercredis soirs ici à Ibiza. Il est au Pacha juste avant sa soirée. On l'a rencontré, interview exclusive Fun Radio. On lui a posé tout plein de questions. Il a été adorable. Il a parlé notamment de football. Alors, c'est l'Euro en ce moment. Oui. Est-ce que tu suis ou pas du tout? Et si oui, alors j'imagine que tu supportes la France, mais peut-être d'autres équipes aussi. Bon, alors là, je vais te faire halluciner. Non seulement je suis, mais je suis avec une bande d'amis. On est inscrit sur un site de jeu où tu fais des pronostics. Aujourd'hui, je suis 229e sur 58 000. Au pronostic de mon petit gazon. Donc, si tu veux, je te cache pas que la victoire des Turcs hier sur la République tchèque m'a fait beaucoup de bien. Je suis très fier de notre équipe de France. Je suis très fier d'eux parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Je crois comme une majorité de Français, c'est-à-dire que je m'en fous qu'ils gagnent. Je veux qu'ils soient sympas. Je veux qu'ils soient respectueux de notre drapeau, de nos couleurs, de notre diversité. S'ils gardent cet état d'esprit, tout ira bien. Tellement classe, Martin Solveig. Il a pris du temps avec les auditeurs pour faire des photos. Il a même répondu à des questions d'auditeurs. Tiens, on en a sélectionné une. Moi, je voulais savoir, Martin, qu'est-ce que tu ressens ici à Ibiza et que tu ne retrouves pas ailleurs? Quel est le feeling que tu as sur cette île? C'est une super question et la réponse tient en un mot pour une fois, moi qui suis là. La liberté. Ouais. En fait, j'aime Ibiza parce que ici, c'est la liberté à tous les étages de l'île, que ce soit les administrations, que ce soit la police, que ce soit les commerces, que ce soit machin. Même les gens qui viennent aussi se sentent plus libres du coup. Du coup, tout le monde se détend. Et c'est vrai que ici, contrairement à énormément d'endroits dans le monde, tu as envie de faire ça, tu fais, tu prends ton scooter, tes pieds, ton machin, tu vas courir, tu. Voilà, et ça,

marchés financiers sont en chute libre. Le Front National réclame à son tour ce matin un référendum français sur la sortie de l'Union Européenne. 22 millions d'euros d'indemnité pour Laurent Blanc. L'entraîneur va quitter le Paris Saint-Germain. Il aurait résilié son contrat selon l'équipe et il part avec un gros chèque pour le remplacer. Le club parisien devrait choisir Unai Emery, l'ex-entraîneur du FC Séville. Les chiffres du chômage pour le mois de mai, on va les connaître ce soir. Le gouvernement les dévoile à 18h. Après deux mois de baisse, un troisième mois consécutif serait inédit depuis la crise de 2008. Clap de fin pour le petit journal de Yann Barthès hier soir sur Canal+. C'était la dernière émission après 12 ans à l'antenne. Yann Barthès va désormais rejoindre TF1 à la rentrée prochaine. Le petit journal devrait pourtant continuer sur Canal+, avec un nouveau présentateur, Cyril Eldin. Et si on allait au cinéma ce dimanche, c'est le début de la fête du cinéma. Ça va durer 4 jours jusqu'à mercredi. 4 euros la séance. Enfin, suite et fin du brevet ce matin. Après le français et les matières, les élèves de 3e passent l'épreuve d'histoire géo, éducation civique ce matin. Très bon réveil sur Fun Radio. On est à Ibiza. Jusqu'à 9h. Ah. 8h34 en direct d'Ibiza, c'est la dernière de la saison les amis. Plein de messages qui arrivent avec le hashtag Bruno et Ibiza, je le dis, je le redis. Nous serons de retour sur Fun Radio pour une 6e saison à partir du 29 août. Entre 6h et 9h15 tous les jours. Voilà, avec tout plein de surprises. On a plein de trucs là pour la rentrée. Donc on va revenir parce qu'il y a des gens qui s'angoissent quand on dit c'est la dernière. Ils disent mais vous reviendrez pas. Mais bien sûr que si, on va revenir. Et alors j'ai une toute petite précision. On vous a préparé un petit cadeau pour la semaine prochaine. Le meilleur de l'année tous les jours la semaine prochaine. Et donc ensuite vous retrouverez Jay qui va vous accompagner tout au long de l'été et aussi payer vos factures. Bon, vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. Vous avez bien fait puisque j'offre 5000 euros ce matin. Allez. On arrête les SMS. Allez. On fait le tirage au sort. On va choisir un SMS au hasard, on va appeler en direct là dans une vingtaine de minutes pour offrir 5000 euros cash qui partent par Chronopost ce matin, c'est chez vous demain. Oh, c'est énorme, 5000 au début euros, de l'été. Les amis, en début d'été, t'es refait. Oh, bah, tu m'étonnes. Mais je peux te dire que t'es refait. Mais pour l'instant, sur Fun Radio, on joue. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Jeu des 30 secondes pour jouer avec nous ce matin. Il y a Léo. Léo, il a 28 ans. Il habite à Fresnes. Il est chauffeur privé et il est dans le vent, visiblement. Applaudissements pour Léo. Comment ça va, la famille, les auditeurs? Comment ça se passe à Ibiza, là? Ça va pas mal. Bah, apparemment, ça va plutôt pas mal, ouais. Oui, je te confirme. Yeah. T'es pas obligé de crier, on n'est pas sourd, on est juste à Ibiza. Léo, mon pote, ce matin, tu joues face à Sabrina. Sabrina, 25 ans, elle est comptable à Corbeil-Essonne. Applaudissements pour Sabrina. Salut. Salut, Sabrina, ça va, ma chérie? Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Léo, Sabrina, je vous rappelle la règle du jeu des 30 secondes. Vous allez avoir 30 secondes pour tenter de découvrir un maximum de mots que va tenter de vous faire découvrir un membre de l'équipe. Mais ce membre, il va falloir le choisir. Si jamais vous avez gagné, vous repartez avec un overboard, d'accord? À l'occasion de la sortie du film Star Trek Sans Limite cet été avec Fun Radio. Et ensuite, on fera le tirage au sort avec tous les gagnants de la semaine pour savoir qui repart avec le séjour à Londres. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Ah, c'est pas la question que je la pose pas à toi, Christina. Ça, je sais. Oui, mais moi, je suis d'accord aussi. Très bien, c'est bien de le dire. Bon, merci. La question que je vous pose, c'est avec qui voulez-vous jouer? Léo, je t'écoute. Oh, je suis bien motivé pour prendre Elliot. Je sens chaud aujourd'hui, là. Ah, tu me fais plaisir. Elliot avec Léo. Sabrina, tu veux jouer avec qui? Eh ben, ça serait bien. Pour la dernière, jouer avec Vassé, c'est ce qui me plus. Très bien. Dis-moi, Sabrina, est-ce que t'as un kit main libre ou est-ce que ton téléphone est dans ton rectum? Je suis là, un instant. Prends-le directement et à ton oreille. Ta radio, et éteins ta radio. Bah, voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Et les gars, comme ça. C'est une conspiration. Ah, c'est la seule nana qui veut jouer avec moi, c'est celle qui capte pas. Non, c'est bon, elle là. Comment superbe. Tu sais quoi? Eh ben, on va commencer avec Vaché. Ah bon? Ouais, j'ai envie de commencer avec Vaché. Vaché va découvrir la liste de mots au moment où le chronomètre va être lancé, Sabrina. Et je peux te dire que ici, dans ce studio, en plein air, tout le monde s'attend à ce que, pour la dernière de la saison, Vaché se plante. Ouais. Ce serait bien. Mais non. J'ai confiance en lui. Vaché, est-ce que t'es prêt? En fait, je vous ai pas écouté, je fermais les yeux pour m'isoler dans ma tête, et donc je suis zen. Et je peux jouer en toute sérénité avec toi, Sabrina. Sabrina, attention, tiens-toi prête. Okay. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est l'action que tu fais sur une piste quand t'es en discothèque, t'es en train de... Quand tu remues. Danser. Ouais. C'est le contraire de léger, c'est très... Lourd. Ouais. C'est un appartement, mais tout seul. C'est une... Avec un toit, une cheminée. Une maison. Ouais. C'est comme une culotte, mais pour les garçons, c'est un... Un caleçon, un boxer? Non, non, c'est comme une culotte, c'est plus. Un slip? Oui. Un slip? Tu passes ton. Des collèges, ton diplôme des collèges, c'est le. Le brevet. Oui. Le brevet des collèges. Une machin de cheveux, on dit une, je me suis fait une. Une mèche. Non, une coupe. C'est une mèche. Coupe, mais c'est pas mal. C'était pas mal, je crois. Attends, on parle pas, je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. 5 bonnes réponses, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. 5 bonnes réponses, Sabrina, c'est pas mal. Léo. Allez, on se concentre, Léo. Il faut faire minimum 5. Bah oui, ça va dépendre de, d'Eliott et de toi aussi, mon Léo. Eliott, t'es prêt? Allez, Léo. Attention, top chrono, c'est parti. Alors, c'est avec la chose avec laquelle tu entends, c'est une. Une oreille. Oui, voilà. Un cocktail avec de la menthe et du rhum et des citrons. Un mojito. Ouais, super. Quand tu prends quelqu'un pour un autre, tu le. Confond. Ouais, et le verbe. Confond. Ouais. Quand tu vas pas bien, on te dit tu te fais du. Ça va pas. Du mouron, du souci. Ouais, du souci. Qu'est-ce que tu donnes à manger aux chats et aux chiens? Des. Des croquettes. Égalité. Égalité de quoi? Égalité de quoi? Non. Égalité de quoi? De croquettes, de con là. Non mais le mot facile pour les chats, les chiens, évidemment que c'est croquettes, c'est pas des pâtes, bordel. Ah, les amis, Léo et égalité, Sabrina, il va falloir vous départager. Ça gâche la fin d'année, ça gâche tout. L'égalité, c'est moche. C'est comme un match nul, c'est pourri, ça chie. Il va falloir vous départager. Et pour vous départager, je vais tenter de vous faire deviner un mot. Celui de vous deux qui le trouve en premier à gagner, d'accord? Ça marche. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Sabrina. C'est parti. Ici, un DJ à Ibiza, quand il passe des disques et qu'il les enchaîne, on dit quoi? On dit qu'il. Il mixe. Et le verbe c'est. Mash up. Mixer. Oui! Oh, papa, Sabrina, c'est honteux. C'est honteux. Mais, ouais, mais c'est bon. Sabrina qui a gagné! Yeah ouais! Sabrina, tu viens de gagner ton overboard. D'accord, ma chérie? Ah, trop cool. Sabrina, tirage au sort pour le voyage à Londres. Tu seras donc, vu que tu es la gagnante de vendredi, le numéro 5. D'accord? Le numéro 1, c'est Antoine, il a joué lundi. Bonjour Antoine. Salut la famille, ça va bien? Ça va bien. Le numéro 2, c'est Juan, il a joué mardi. Salut Juan. Salut toute la famille, ça va? Le numéro 3, oui, ça va bien. C'est Elodie, elle a joué mercredi. Bonjour Elodie. Salut la famille, salut Vida. Le numéro 4, c'est Ludo, il a joué hier. Bonjour Ludo. Salut la famille, ça marche numéro 4. Ça va bien. On va lancer le dé Poitiers. C'est plus le dé Limoges puisque maintenant ça y est, on a jeté notre dévolu sur Poitiers. Je jette le dé, d'accord. Et il y a un numéro qui va sortir. Il y a une case où il y a rien, c'est le numéro 6, c'est Poitiers à la base. C'est-à-dire que soit vous gagnez le voyage à Londres, soit vous partez à Poitiers. Je jette le dé, les images en direct sur funradio.fr. Attention, c'est parti. Beau jeté de dés, toi. Alors, le séjour, je vous le dis, bah regardez, l'avion est déjà en train de partir. Il arrive. Le séjour, c'est donc un week-end tout frais payé à Londres. Il vaut 3000 euros à l'occasion de la sortie du film Star Trek Sans Limite. Et la personne qui va partir a joué avec nous lundi, c'est Antoine. Bravo. Ouais, c'est bon, ça. Antoine. Bravo. Le 12 juillet, avant-première au cinéma Empire Leicester Square, en présence de toute l'équipe du film. On s'occupe de l'Eurostar Paris, Londres d'ailleurs, d'accord. Ou alors bah, tu viens en avion, c'est possible aussi. Dans un palace à Londres, tu seras logé, plus découverte de la ville avec le pass sans limite. Ça vaut 3000 euros, d'accord mon pote? Bah, merci la famille, continuez comme ça, vous déchirez tout. Et bonnes vacances à vous, profitez bien et continuez. Et bah, merci Manchou, bravo merci à toi. Merci bien. Bon. Allez. Dans 5 minutes, défi spécial avec toute l'équipe de Fun Radio, tous les animateurs de Fun. Ils sont déjà en place, ils sont tous en maillot de bain au bord de la plage. Elliot, tu vas descendre pour voir tout ça et nous dire ce qui va se passer. Oui, tu vas commenter en direct. On s'est dit que t'allais pas monter dans le bateau parce que sinon ça coule. On va essayer de répondre à cette question. À combien peut-on monter sur un bateau gonflable sans couler? Exactement. dans la mer, évidemment. Donc, ils vont monter chacun leur tour. On va essayer de voir à combien on peut monter et jusqu'à combien on peut le faire sans qu'ils tombent à l'eau. Alors, attends, je vais regarder par le haut de la terrasse pour voir si, je les vois. Ouais, je les vois. Ils sont tous en train de se mettre en maillot de bain. Il y a du topless ou pas? Il n'y a pas de topless. Il y a Anso là, qui est en train de se tâter pour savoir si elle se met en maillot ou pas, j'ai l'impression. Elle n'en a pas, Emmanuel. Il y a JB qui met les pieds dans l'eau, tu sais, pour pas être hydrocuté. il se mouille l'estomac. écoutez, vous savez quoi? On va faire ça en direct sur Fun Radio, les images sur funradio.fr. Restez ici, il y a encore beaucoup de choses à faire avant la fin de l'émission. On va offrir 5000 euros cash, on va vous appeler. On a un mix exclusif de Mikosé, d'Adrien Thomas et de Maëva Carter, puisque l'émission va pousser jusqu'à 10h ce matin. Et le top 3. Et on a le top 3 d'Eliott, top 3 de l'année. Oui. On revient en direct sur Fun Radio. A tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Ah, quel beau match, Lionel! Ah oui, bonne tirée, c'est là! L'alerte biscuit spécial frais! Il doit filer. Aujourd'hui et demain, les 20 chipolata ou 20 merguez origine France sont à 3,49€ chez Netto. Quelle belle alerte discount, Lionel! Netto, le discounter qui fait la différence. Soit 1 kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Maïf, c'est quoi une meilleure assurance habitation? Alors, au fait, ton emménagement, ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Mes nouveaux colocs sont au top. Et comme l'assurance habitation est à la Maïf, j'ai rien eu à faire. Ah bon? Ouais, tout était déjà assuré. Même mon ordi, mon téléphone, mon vélo. Ah ouais? T'es avec des pros de la coloc, là. Ouais, j'avoue. Et dis-moi, tu penses qu'il resterait une petite place? Maïf First. Assurance habitation pour les locataires et colocataires de moins de 30 ans. On a tout à gagner à se faire confiance. Maïf, assureur militant. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde, sur funradio.fr. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. Waiting for love. Thank the stars. Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. En direct d'Ibiza, la famille, en direct d'Ibiza pour la dernière de la saison. Hashtag Bruno et Ibiza, merci pour tous vos messages là qui arrivent depuis ce matin, 6h moins le quart. Top Tweet France depuis tout à l'heure. Nous sommes, les amis, sur le rooftop de l'Ushuaïa Hotel qui donne sur l'Ushuaïa Club, où on va peut-être faire un petit peu la fête ce soir. Il y a Tini Tempa ce soir à l'Ushuaïa Club. Et moi, je suis à un endroit, il faut que je vous donne une anecdote quand même. En fait, sur l'hôtel de l'Ushuaïa Ibiza, on est donc sur le rooftop, il y a 8 étages. Et donc il y a un escalier de secours. Et hier on a voulu faire des photos sur l'escalier de secours. Et l'escalier de secours, il est métallique. Vous savez, c'est des grilles métalliques. Ouais, c'est comme un grillage. On voilà, voit donc on voit le vide. C'est et donc, Christina, ça va, Christina, ça va mieux ou pas? Ah non, mais moi je n'y retourne plus jamais de ma vie. C'est-à-dire que moi j'ai le vertige, mais vraiment c'est maladif. Et du coup mes jambes ont cessé de fonctionner voilà. Quand j'y suis, j'arrivais plus à marcher. J'étais bloquée, figée quoi. Et j'ai hâte de voir la photo parce que Christina a un sourire. Ah bah, comment vous dire ? On dirait que je suis constipée. Exactement. Quoi. Exactement. Bon, Elliot, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien, Bruno. Au moment où je vous parle, Elliot est sur le bord de la plage. Tu peux rapprocher le micro de la mer, qu'on l'entende un petit peu pour faire kiffer les auditeurs ? Voilà. Ah ouais, je vois l'équipe des animateurs de Fun Radio. Ils sont tous en maillot de bain. Ils sont à ouais. côté d'Eliott. D'accord. Ils sont beaux, ils sont très beaux. Et au milieu de l'eau, il y a un bateau pneumatique. Moi je dis, et c'est vrai, Fun Radio c'est une famille. Et dans une famille, on est tous dans le même bateau. Et bien justement, nous allons tenter un record. Combien d'animateurs de Fun Radio on peut faire rentrer dans un bateau pneumatique? C'est à combien de places normalement, Elliott, le bateau? Oh là, honnêtement, tu peux y mettre 3-4 personnes à tout casser quoi. 3-4 personnes. Alors Elliott, ce que je te propose, c'est ouais. qu'au fur et à mesure, hop, tu prends l'animateur avec toi, tu le présentes, tu l'envoies dans le bateau et on va compter, d'accord? Allez, ça marche. J'ai Anso à côté de moi qui ne veut pas y aller, alors tu seras la première, Anso. Allez, Anso, vas-y ma chérie. Allez, Anso, et de une, c'est parti, Anso y va. Voilà, donc Anso ne s'est pas mis en maillot de bain, elle est restée habillée comme elle est arrivée en studio, c'est-à-dire qu'elle est en short, en t-shirt, elle en a rien à foutre. C'est Karel, ça va Karel? Ça va, ça va. Allez, go, on y va, deux. Allez, Karel y va en deuxième. Le tatouage de Karel, les amis, je découvre le corps des animateurs de Fun Radio. Rémi qui fait la nuit sur Fun Radio avant nous et le best-of de l'émission monte sur le bateau. Pour l'instant, ils sont trois. Trois, ça tient. Il y a Fred de l'après-midi, vas-y Fred. Fred qui fait le 12-16 sur Fun Radio et qui monte aussi à l'intérieur du bateau. Quelle belle image, qu'est-ce que j'aime cette radio. Et vraiment, ça fait plaisir. Et pour le cinquième, j'envoie Jay, ça va Jay? Je suis plein de crème, je glisse de partout. Jay qui fait tous les week-ends sur Fun Radio, qui va faire le morning de l'été là à partir du mois de juillet. On est à combien sur le bateau? On est à 5. 5, le châtelain y va. Mais oui, yeah. Mika le châtelain qui a l'habitude des bateaux, des frégates. Mais là aujourd'hui, il monte sur un bateau pneumatique. On JB, est à 6. JB pour le 7ème. JB qui fait le 16h-19h tous les jours. Allez Toulouse. Elliot, on est à combien? On est à 7, hein, c'est ça? 7 exactement pour le 8ème. J'envoie Kassim de Loving Fun. Je vais me frotter à Anso. Kassim de Loving Fun. Et il rejoint le bateau pneumatique. Toutes les images sont sur funradio.fr. On est à 8. Coucou toi Marion, tu te caches depuis tout à l'heure. Et c'est parti Marion pour la 9ème yeah personne. Marion du Night Show. Mario du Night Show. Alors visiblement l'eau est un peu froide, je peux vous dire qu'elle marche. Il se cache. On dirait Mr Bean. Adrien Thomas. Ils sont bon loin là. Attends. Dixième. Oui. Ouais, là le bateau est en train de partir avec le courant les amis. Le but c'est pas de noyer toute l'antenne. On les récupère à Marrakech. Ils sont à 9 sur le bateau. Pour l'instant le bateau coule pas, j'envoie donc Adrien Thomas pour la 10ème personne. Yeah Adrien, DJ Fun Radio qui va mixer en live tout à l'heure. Dixième personne sur le bateau. Attention. Pour l'instant, ça tient. Ça tient fort, difficilement. Oh, attention. Martial, t'es prêt? Chaud, chaud, chaud. Martial, le programmateur de Fun Radio, celui qui choisit les disques. J'en profite pour faire un bisou d'ailleurs à Pascal Rémy, qui est programmateur également, qui lui est resté à Paris. Je te fais de gros bisous, mon Pascalou. Ça va couler. Je crois qu'on est sur un début de coulage. Ça va couler. Ils sont à combien là, Elliot? Alors, ils sont à 11. 11. Est-ce que t'as un deuxième à côté de toi? Deuxième. J'ai oublié ton surnom à l'antenne. Enzo. Enzo. Pépère. Pépère, voilà, c'est ce que je cherchais. Pépère. Pépère du Night Show. Et vas-y. Qui rejoint. On est dans la merde. Allez. Je sens que c'est lui qui va tout faire basculer. Il y a Pépère et j'ai envoyé. Oh là là. J'ai envoyé le plus gros. Les amis. Ryan de Loving Fun. Il y en a deux qui viennent de tomber. Il y a Anso qui vient de tomber, qui est trempé, Bruno. Le merde que vous avez entendu, c'est Anso. Alors Anso, il faut remonter dedans. Ils seront 12 avec Anso. Ouais. Et il y a Pépère du Standard aussi. C'est quoi? Eh, hey, je vois Eliott juste pour le kiff. Alors attends, je récupère Anso qui est trempé. Je suis extrêmement fâché, je n'ai pas de chance. Et ça tient, ils sont à 13 dedans. Bravo, Bruno. L'équipe. Bravo. Oh, l'image. Et tu sais quoi, c'est une belle image. Ouais. Ça prouve que le bateau Fun Radio, eh bien, il est coule solide. Pas. Exactement. Il ne coule pas, on est tous dessus. Et quelles que soient les tempêtes, les amis, ça ne coule pas. Une belle image. Bruno, Bruno, oui, oui. Ils viennent tous de tomber du bateau. Toutes bon. Les images sont sur funradio.fr, les amis. Il faut que tu dises à Adrien qu'il s'essuie rapidement, parce qu'il va venir mixer tout à l'heure. Ça me ferait chier qu'il s'électrocute. Adrien, gamin, il est en train de s'amuser dans l'eau. Je crois qu'il en a rien à foutre. Les amis, nous sommes à Ibiza. Les images sur funradio.fr. Le son de votre été sur Fun Radio dans toute la France. Justin. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. Alors ne vous dites pas, ils applaudissent parce qu'il y a Justin Timberlake qui est en studio. Ils applaudissent parce qu'ils sont contents d'être là. J'ai envie de reprendre le gimmick de Marion et Enzo qui sont en train de se sécher. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Allez, c'est le JP. Fun JPI. Le JPI sur Fun Radio. C'est le dernier JPI de la saison. Ouais. C'est un tout ou rien en fait. Ouais, soit ils ont tout donné pour le dernier, non. Soit vraiment on est sur de la fin de vanne. Voilà. On est stop. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, loisirs, aujourd'hui c'est la journée mondiale du surf. Autant vous dire que si vous habitez Sochaux, vous n'en avez strictement rien à foutre. Radio, ce matin, c'est la dernière émission de la saison, l'occasion de réécouter toutes les meilleures vannes du JPI. On écoute. Oh non. Toute l'équipe de Bruno dans la radio est en direct d'Ibiza. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oh, un petit lapin qui danse le tango. Bonjour la fée Clochette. Tu montes avec moi sur la licorne. Il y a Donald Trump qui me fait des chatouilles. Ça va Anthony ? Tout va bien ? Oui, un gentil monsieur m'a donné un cachet de Doliprane en boîte de nuit. Ils sont serviables à Ibiza. Attention, une mouette qui fait de l'overboard. Ouais, du Doliprane en boîte de nuit à Ibiza, hein, c'est très courant. La suite. Et pour finir, si vous aimez les fêtes déguisées et les récipients, découvrez le bol masqué. Au bol masqué, ohé, ohé. Et ben voilà, c'est la fin du JPI. Demain, nous serons en vacances. Alors, bonnes vacances. Bisous. Bravo. Bisous. Ouais, bravo. L'équipe du JPI qui sera bien entendu de retour à la rentrée. Voilà, parce qu'il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que toute l'équipe sera là? Mais bien sûr, toute l'équipe sera là. Évidemment, toute l'équipe sera là. Vous restez ici sur Fun Radio. Putain, et là, l'heure qui arrive, je peux vous dire qu'elle va être cossue. Dans un premier temps, vous allez gagner 5000 euros. Vous avez envoyé Bruno par SMS au 74 900. On va appeler un auditeur, une auditrice au hasard en France. Il y a un SMS qui a été sélectionné, c'est peut-être vous. 5000 euros cash que vous aurez sur votre compte dès demain. On vous offre ça ce matin. On aura le top 3 d'Eliott. Oui, les Bruno. Les 3 meilleurs moments de l'année d'Eliott. Je suis revenu hier, c'était sur vous, et je me suis dit que j'allais garder le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, c'est sur les auditeurs les plus improbables et les plus fous qu'on ait eu sur cette antenne. Ce sera tout à l'heure. On va avoir un mix de 3 quarts d'heure avec les 3 DJ résidents Fun Radio. Le Neck plus ultra de la crème de l'élite, j'ai pas peur de le dire. Maëva Carter, il y a Mikosé, il y a Adrien Thomas. Ils vont mixer en live de 9h15 à 10h. Hashtag Bruno à Ibiza, on revient juste après les infos, à tout de suite. Oui, repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. C'est parti! Les soldes chic et sport démarrent sur Zalando. 1. Les baskets. 2. La petite veste. Et 3. La mini-jupe plissée. Ça démarre très fort. Rendez-vous dès maintenant sur Zalando pour profiter d'un choix incroyable d'articles avec des réductions jusqu'à moins 60%. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein? C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Qui habille colore la vie. Les filles, aujourd'hui, vous allez être folles de joie. Oui, les soldes d'été sont chez Kiabi. Jusqu'à moins 70% sur des milliers d'articles. Jusqu'à moins 70% pour relooker toute votre tribu. Les soldes d'été chez Kiabi, même les hommes vont se lâcher. Yes! Offre valable sur articles signalés du 22 juin au 2 août. Date selon décret. Conditions magasin sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Hashtag Bruno et Ibiza, vous faites tout péter sur les réseaux sociaux là depuis 6h moins le quart. On est en top tweet France, vous êtes des amours. On essaye au moins de mettre un petit cœur, un petit fave là, sur tous vos messages. Mais il y en a des tonnes qui arrivent, merci à tous. On va revenir en direct là depuis Ibiza juste après les news. Bougez pas, à tout de suite. Fun Radio. Le son Dance Floor. On fait un point sur l'actu, le dernier en direct d'Ibiza de ce vendredi 24 juin avec Justine Selmon, ça m'a jugé. Oui, ça va, bonjour. Bonjour à tous, on y va. Tu viens de faire tomber ta bière. ça s'est entendu un petit peu. Fais attention quand même. Hey. Tu vas pas pleurer, hein? Non, bah pas du tout. Oh, Juju. Allez, on y va, la météo. Va. Elle est mitigée aujourd'hui, on aura une Une perturbation de l'Aquitaine à l'Alsace en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Un grand soleil sur le sud-est. D'ailleurs, ce sera des éclaircies. On a toujours 4 départements en vigilance orange aux orages. La Gironde, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Charente. Les températures, c'est plutôt doux ce matin, de 14 à 20 degrés. Cet après-midi, on attend 18 à Caen. Il sera 24 à Bordeaux, 28 à Avignon et 30 degrés à Belfort. Puis un petit coup d'œil sur notre week-end. Ça sera le même temps pour demain. On nous annonce du mieux pour dimanche. C'est l'info de la matinée, c'est historique. Le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, c'est désormais officiel. Les marchés financiers sont en chute libre et le Front National réclame à son tour ce matin un référendum français sur la sortie de l'Union Européenne. On parle foot avec le départ de Laurent Blanc. Selon le site de l'équipe, son contrat a été résilié. L'ancien coach parisien va partir avec un gros chèque de 22 millions d'euros. L'Espagnol Unai Emery devrait le remplacer. Et puis, pas de match de l'Euro encore aujourd'hui. Début des huitièmes de finale demain. Enfin, le festival Solidays, c'est ce week-end à Paris. 30 hectares qui accueilleront resto, bar, expo photo et concerts. Très attendu, DJ Snake. On aura aussi Feder et les Chainsmokers. Le but, récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Vous retrouvez toute la programmation sur solidays.org. Et puis la fête du cinéma démarre dimanche jusqu'à mercredi. Ce sera 4 euros la place, donc profitez. Passez tous un bon week-end. On t'aime. Moi aussi. Fun Radio. Vendredi, c'est le 24 juin, vous écoutez Fun Radio, bonjour! Bonjour! Vendredi à Ibiza en direct dans toute la France. Et Dieu sait que depuis hier matin, on essaye de vous faire vivre l'esprit d'Ibiza. Je suis super content parce que le but, c'était pas d'en mettre plein la vue à base de on est Ibiza. Puis vous, vous partez bosser, vous avez peut-être pas de soleil. Non, le but, c'était vraiment de faire profiter tout le monde. Et on regarde tous les messages qu'on reçoit là sur le hashtag Bruno à Ibiza. On a réussi. Merci pour tous vos messages de kiff, les amis. Vous êtes des amours. On a une grosse dernière heure avec Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Je vous aime. Voilà. Elle va pleurer, Christina. Elle pleura à chaque fin de saison. Non, ça va pour l'instant. Non. Il y a Vaché qui est là. Bonjour. Alors moi aussi, je suis très ému forcément, mais je me pose une question. Vu qu'on prolonge jusqu'à 10h, est-ce que par hasard... Attends, contractuellement. Non, mais attendez. Là, c'est le côté papier, tu vois. Je suis à jour dans mes papiers. Et je me dis, du coup, une heure en plus, ça se facture normalement. Voilà. Mais je suis ému. Attendez. Mais est-ce qu'on facture ce que t'as bu depuis hier midi? Bon, ok, on va dire qu'on va trouver un arrangement. Elliot est là ce matin. Ah, ça va. J'ai passé une super année parce qu'à chaque fois qu'on est parti rencontrer les auditeurs, ils sont tellement gentils à chaque fois. Même quand je suis bourré en boîte et que je parle plus droit, ils me comprennent. Ouais, tu ne marches plus droit. Les deux, je parle plus droit. Même les filles à qui tu dis tu gardes le secret, surtout t'en parles pas. Moi j'ai une copine, elle garde le secret, elle en parle pas. Pour toi, mais c'est génial. C'est un plaisir, même quand on va en boîte avec Bruno pour les Bruno dans ton club, tout ça, on rencontre tellement de monde et c'est du bonheur en barre. Et donc voilà, c'est... Quelle belle vie. Merci. Il reste Elliot, c'est-à-dire qu'il ne finit pas ses phrases. Oui, c'est ça, c'est monsieur qui finit pas. Bon, les amis, à 7h30, on a fait un truc ce matin, parce que pour la dernière de la saison, je voulais vraiment qu'on marque le coup. On a lancé un jeu SMS, vous savez qu'on le fait une fois de temps en temps, on vous file 1000 euros. Cette semaine, on a même été jusqu'à 2000 euros. Et puis aujourd'hui, on s'est dit, allez merde, on va péter les plombs. D'accord? Et quand on pète les plombs sur Fun Radio, c'est 5000 euros. 5000 euros cash à gagner. Et on va les offrir à quelqu'un maintenant. Le truc de ouf, c'est que le chèque va partir tout à l'heure à 9h30 en chronopost. Et l'auditeur que je vais appeler au hasard maintenant aura ce chèque demain chez lui. Ça va lui changer, peut-être pas sa vie, mais en tout cas ses vacances, quoi qu'il arrive. Bah oui. Vous avez envoyé Bruno par SMS. Je prends un numéro au hasard. Ça a été tiré au sort électroniquement et j'appelle maintenant. Autant vous dire que même si vous êtes chirurgien, vous écoutez Fun Radio, vous avez votre portable dans votre poche, dans votre blouse, pendant que vous êtes en train d'opérer, il faut lâcher 2 secondes. Lâchez tout. Ils sont riches les chirurgiens déjà, ça va. J'espère qu'ils vont pas gagner. Et si ça répond pas, on appelle un autre numéro, vous le savez, histoire de faire tourner. Ça sent le répondeur. Ouais. Ça sent le répondeur. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Bon, on appelle quelqu'un d'autre. 06. Ouais, 4. On va pas lui mettre. C'est non, quoi non, ah ouais, non. On va pas de message. Pour 5000 euros, tu dis ouais. Pas, t'as non, perdu non, 5000 euros. C'est triste. Je préfère qu'elle se dise tiens, j'ai eu un appel en absence. Qui sait. Attention, on appelle en numéro masqué, je le dis, hein, parce que ouais. Moi je réponds jamais au numéro masqué, mais là en l'occurrence, si vous non plus et que votre téléphone est en train de sonner, répondez quand même. ce qui est énorme, c'est que l'heure qu'on va vivre là est super chargée. Si on perd du temps juste sur le téléphone, les amis, on va finir cette émission à 11h15. Je préfère vous prévenir. Ça me ferait rire. C'est en raccord avec, avec le standard qu'on a eu toute l'année. Allez, hop. Allez, 2-2. Allez, on dit pas, jamais 203. Alors, ou pas. Il y a déjà des gens à la technique qui sont en train de se mettre de la crème solaire parce qu'ils savent que ça va durer longtemps. Allez-y. D'ailleurs, à la technique, j'en profite pour faire un bisou à Bruno Loriot, qui est le chef technicien des équipes d'RTL pour les délocs. Et ça va, mon Bruno? Et Vincent? C'est pas facile là, comme métier. Ouais, t'es un homme, c'est gentil. Je vous annonce un troisième répondeur. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, c'est quoi, et on va combler pendant une heure et demie. Bonjour. Eh ben c'est pas grave, j'en appelle un quatrième. Ouais, vas-y. C'est quoi, c'est un grand moment de radio. Attention, laissez votre message. Ouais, là, très bien. Et ben là aussi, c'est pareil. Allez, hop, on en a. Voilà, très bien. On en appelle un autre. Je suis en train de tous les faire. C'est-à-dire qu'il faut relancer un tirage au sort pour me renvoyer des numéros. Il y a Luzman qui est à côté de moi avec son maillot de bain Borat, les amis. C'est pas facile de se concentrer. Non, te mets pas trop près non plus. Les amis, me dites pas qu'on va tomber sur des répondeurs. Oh, sérieux? Mais sérieux, c'est pas possible. Il y a 5000 euros à vous offrir quand même, mais ce matin. Aujourd'hui, avec 5000 euros, tu fais plus rien. Les gens, ils en veulent plus. Attends. Allô? Non, on est sur un répondeur. Ça a raccroché quand même. Très bien. On refait un tirage au sort avec d'autres numéros, Luzman. Il y a pas de souci. Eh ben écoute, faisons ça. On me dit qu'on a plus d'auditeurs de toute façon. On a reçu quelques SMS. Bon ben on va réessayer. Là, on va rappeler chez vous dans quelques secondes. Pour l'instant, c'est le top 3 d'Eliott. Yes, Bruno et Fonf n'a pas prévu le jingle comme s'il ne le m'aimait pas. On était censé finir sur une bonne note et t'es en train de tout gâcher. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. Déjà que mes lancements, je sais pas trop s'ils vont être top. Les trois meilleurs moments de l'année des auditeurs. Numéro 3. C'est ouais. Tout de suite avec Elliot. Oui, Vaché. Je voulais savoir si le moment qu'on vient de vivre, il sera dans le top 3 ou quoi. Expressément. J'ai adoré. Allez, vas-y. Bruno, on en a eu des cas. Pour numéro 3, je voudrais vous ramener au 2 mars avec Maxence. Maxence, il avait un contrôle d'histoire et honnêtement, je crois qu'il avait pas du tout révisé. C'est ce qu'on appelle un branleur dans le milieu. Écoutez. On écoute. C'est sur quoi le contrôle d'histoire ce matin? Il porte sur quelle période? Alors, c'est sur Magellan. Moi je croyais qu'il avait dit Mandela au départ. Moi aussi. Qui est Magellan? C'est un grand explorateur qui a découvert des pays. Quel pays, Maxence, puisque t'as pas contrôlé à 8 heures? C'est qu'il a fait le tour de l'océan là pour les parties d'Espagne. Il est revenu en Espagne et il a prouvé. Et de quel océan? L'océan Méditerranée. Non. Oh là là là là. L'océan Méditerranée. Mec, mal barré, mon gars. Maxence, c'est quoi ta moyenne en histoire actuellement? En histoire, je dois avoir 10, 11. Eh ben, écoute, elle va baisser, je pense. Parce que tu copies, on est d'accord, ça. Il était extraordinaire. Ça aurait été rigolo qu'on l'ait, lui, pour savoir comment s'était passé son examen, vraiment. Numéro 2. Numéro 2. Nous rentrons dans le moment qui fait peur. Nous avons eu des fous à l'antenne, Bruno, des vrais fous. Je vous ramène au 15 mars. On a eu un auditeur, Vincent, qui se parlait tout seul. Voilà, réécoutez. Ah. Vincent, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Ah pardon, j'étais en train de parler avec quelqu'un d'autre ou tu me répondais? Non, je parlais tout seul. D'accord. Mais ça va, Vincent. Ok, mais ça va. Je parlais avec mon ami imaginaire, coucou You. Vous savez, c'est l'ami qui me demande des fois de tuer des gens. Et donc, je me mets en robe de chambre dans la rue et puis je poignarde des gens. Mais la police me cherche. Mais je suis dans ma cachette dans l'arbre. Parce que c'est la cachette de coucou You. Et tout va bien, je suis là, tranquille. Au KLM. Tu nous fais peur, Vincent. Vincent, tu nous fais un peu peur. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Et ben voilà, j'ai une grande fierté en fait dans McDonald's. En fait, je vais dans les jeux des enfants. Oui, tu nous fais très très. Vincent, n'en rajoute pas. Tu sais quoi? Et mon ami imaginaire, il me dit, mais un enfant sans slip, ce serait pas mieux. Et là, il est en train de se dire, pourquoi t'as appelé la radio? J'ai pas appelé la radio. Si, c'est toi qui as appelé la radio. Tiens, méchant, pourquoi t'as appelé la radio? Mon précieux. C'est vrai qu'il faisait peur, celui-ci. Allez, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, Bruno, j'ai choisi de mettre en avant les auditeurs un peu chelous, les auditeurs crades même. On a eu ce magnifique auditeur Sébastien qui nous a carrément appelé des toilettes. Ah, je m'en souviens, bien sûr, on écoute. Et Sébastien, c'est quoi le titre qui te rendait fou quand t'étais petit? FL65. I'm blue. Oui. I'm blue. J'ai pété dans les draps. Ah, il était bon ce titre. Ah, ouais, ouais. Peut-être que ton toilette, Sébastien, en même temps où tu nous parles. Oui. Et ben ça s'entend. Et le pire, c'est qu'il essaye même pas de mentir. Il tire la chasse, hein. T'entends le bleu. Là, tu poses une pêche, il nous appelle. Sébastien, et tout est normal. On va te laisser finir, mon pote. Et Bruno, j'ai la dernière, la plus crade, la plus improbable de tout, ça s'appelle Sandrine. Honnêtement, moi j'en ai mangé des conneries dans ma vie, mais elle, je crois qu'elle a trouvé le pire truc qu'on pouvait manger au monde. Je m'échappais dans le poulailler et je mangeais des crottes de poule. C'est véridique, je te le jure. D'accord. Ma mère le raconte à tout le monde. Alors si jamais il y a des gens qui hésitent, c'est les œufs, hein. C'est le truc rond qu'on peut manger. C'est tout, parce que la crotte à la coque, c'est pas une crotte. T'as beau trembler. Et changez rien. Par contre, toi, change ton alimentation. Non, mais ça fait du bien, je te jure, j'ai la peau super, je suis hyper mate, je suis la seule dans la famille à avoir la peau mate. Ah ouais, mais c'est normal, c'est la couleur de la merde. Hein. Ça colore. Imagine, et les personnes âgées dont s'occupe Sandrine, qu'on ne peut pas lui dire, dis donc au niveau de la laine, c'est pas un problème. Bruno, je mange plus les crottes de poule, maintenant on a pris des chèvres et je t'avoue, bon, je galère. Ah, vous êtes crado. C'est elle qui nous dit, vous êtes crado. Les auditeurs vous aiment, voilà, c'est fou, c'est des moments comme génial. Ça qu'on adore vivre c'est à chaque génial, matin. C'est génial. Bon. On y retourne vraiment. Les amis, cette émission ne s'arrêtera jamais. Ah. Retirage au sort pour le jeu des 5 millions. Il y a des gens qui ont dû jouer, qui se disent putain, mais pourquoi tu m'appelles pas moi? Je suis en train de t'attendre, connard. Je vous jure, c'est la. Allô. Oh. Oh. Oh. Allô. Allô. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Comment tu t'appelles? David. Bonjour David. T'habites où? À Mondel. À Mondel, d'accord. Il est au top à Mondel, ton Mondel. David, t'es en direct sur Fun Radio? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Je m'appelle Bruno, il y a Christina qui est salut. Là, il y a Vaché. Salut David. Il y a Elliot. Bonjour. T'aurais pas envoyé un SMS tout à l'heure en 74? Ouais, ce matin, ouais. Ouais, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Eh ben là, je suis au travail et je suis en BTS, en alternance. D'accord. Je suis assistant chargé d'études. Ok, très bien. Tu fais quoi cet été? Eh ben cet été, je vais partir en vacances. Tu vas où? Je pars en Espagne à Barcelone avec des potes et au Portugal. D'accord, tu peux peut-être aller un peu plus loin si tu veux. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est pas mal. Tu gagnes 5000 euros! Comme un alors, David. Mais c'est pas une blague, hein. Non, c'est pas une blague. 5000 euros cash. Le chèque part ce matin par Chronopost, tu l'as chez toi demain, d'accord, mon pote? Oh putain, ah ouais. 5000 euros. Qui vont arriver directement sur ton compte. Vous êtes le meilleur. Écoute, ça fait plaisir. Moi aussi. On t'envoie le chèque vite, on t'embrasse, mon pote. Eh ben merci, je vous écoute tous les matins, vous êtes le meilleur. Eh ben c'est adorable. Merci. On te fait des bisous, tu quittes pas, on va prendre tes coordonnées en antenne, d'accord, mon pote? Ok, ça marche. Ciao, ciao. Salut. Bisous. Oh putain, il nous a sauvé la vie. Ouais, c'est temps. J'ai cru que non, on s'en sortirait jamais. Je refais cette phrase ou vous avez compris? Non, on a compris. Ouais. Adrien, Miko et Maëva, comment ça va les copains? Rapprochez-vous du micro. Ah, Ce sont les trois DJ stars de Fun Radio. Maëva, viens à côté de moi, parce qu'il n'y a pas de peur. Tiens, Karina, moi je t'ai vu toute l'année, bouge. Je tiens à dire que c'est pas anodin s'ils sont là, parce que c'est le temple de la fête et de la dance music. Qui est Ibiza et c'est surtout les trois DJ les plus écoutés de France tous les week-ends grâce à l'émission Party Fun. Ça va les potos? Ça va Miko? Merci. On est bien ici? Ouais, on est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Là, le petit mix que vous allez faire en plein rooftop au soleil, ça va le faire. Ça va, moi, Adrien? Ça va super. J'ai enlevé les lunettes de soleil parce que je veux éviter le bronzage du nez d'hier. Comment ça va, Maëva? Au top. Ouais, fais attention à Elliot quand même. Ça va, toi? Ça va depuis hier soir. Les mains sur la table, Elliot. Les mains sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ça restera entre nous parce que ma d'accord, très bien. Non, je rigole. Vous allez mixer pendant 3 quarts d'heure à 6 mains et en direct. Ouais. Là, d'accord. Dans 5-6 minutes en direct sur Fun Radio. D'accord? Yes. On va rester ici, nous aussi. Avant de faire une petite coupure pub, j'avais un coup de fil à passer. Je vais le passer tout à l'heure en direct. On va appeler dans quelques secondes le patron de Fun Radio, le grand boss de Fun Radio, pour la simple et bonne raison que lui n'est pas venu à Ibiza. Il a quand même il a envoyé toute l'équipe de Fun ici. Mais lui, il est resté avec son petit pantalon à pince et son gilet sur les épaules. Alors qu'il avait prévu ses Birkenstock et tout, il voulait venir avec nous. Et puis en fait, il s'est dit, je préfère faire partir tout le monde et moi, je reste à Paris. Est-ce qu'on peut appeler en direct le patron de Fun Radio qu'on appelle ici Papa Schulz?